IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh, il hurle. Bonjour, bonsoir ou bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, les Floodcasts de l'été, parce qu'on est les seuls qui bossons. Il y a Adrien qui est en train de faire un AVC. Je mâchais à l'écart du micro, mais t'as tout gâché. J'ai cru que t'allais tousser vers moi. Je vais pas tousser dans mes mains pour le coronavirus. Je comprends. Oui, trois invités, excusez-moi, comme à l'accoutumée. Nous sommes avec quelqu'un qui fait de la scène, avec son spectacle sensiblement viril. Ouais, c'est les grosses têtes, hein, je fais des petites intros. Des vidéos sur sa chaîne YouTube dans lesquelles on peut retrouver sketch, parodie ou ses célèbres versions low cost des chansons Disney. Pour vous donner un ordre d'idée, sa vidéo sur Partir là-bas de la petite sereine totalise 60 millions de vues. Ouais. Qui est en gros le nombre d'habitants qu'il y a en Italie. Donc félicitations pour ça. Il s'agit d'Alex Ramirez. Ouais, c'est le plus beau des Noël. Merci avec vous. Auteur, comédien, réalisateur, intervieweur, on a pu le voir avec son crew Multiprise, on a pu le voir chez Golden Moustache, mais c'est sur sa propre chaîne YouTube qu'on peut voir des courts-métrages où son concept Les Français savent-ils rapper, qui est plus ou moins un plagiat des mecs qui rappent au téléphone chez Fred Musa de Sky. C'est Anis Rally. Merci, merci. Tu le sais. Je veux être le nouveau Fred Musa. Humoriste, il joue son premier spectacle presque à Paris depuis bientôt un an. Bon, là, il y a une petite pause, mais en tout cas. C'est pas de ma faute. Il est aussi comédien, on l'a vu dans Mon chien stupide d'Yvan Attal ou Le Dain de Quentin Dupuis. En tout cas, la thématique de l'animal est très présente dans cette filmographie. On l'a aussi vu dans le clip Dommage de McFly et depuis, il peut plus prendre le bus. Il s'agit de Panayotis Pasco. Hey. Ouais! Pas ce qu'on parle de McFly, Oli. Je me disais, si tu prends le bus, t'as déjà pris le bus et il y avait des relous qui pensaient ça ou pas? Non. Qui pensaient peut-être. Non, mais qui te le disaient. Oui, oui. Dire non. Si, oui. Non, si. On m'a t'es pas obligé d'inventer si c'est pas vrai. Tu vois, on m'a juste dit en soirée, hey, mais c'est toi. Et voilà, ça arrête, c'est pas fou. Mais et la soirée était dans un bus, parce que tu sais, il y a ces bus de nuit, bus boîte de nuit là. Non, là, ce serait de ma faute. Ouais, voilà. Alors c'est ça, tu vas dans des bus pour qu'on te reconnaisse. Les gars, je mets les mêmes polos, les mêmes lunettes, et je mets la musique comme ça sur mon portable un peu à fond. Et quand ça, t'es un arrêt, t'hésites à sortir pour que les gens te disent, mais non, mais t'aurais dû y aller. Et je suis des meufs, après j'ai des procès. Ah, on coupera ça. C'est que. Il a failli s'étouffer avec sa propre verve, tant il ne mâche pas ses mots. Oh là là. Il a aussi failli s'étouffer avec sa propre verge un été dans une baignoire. En fait, il s'est glissé sur le côté. C'est une technique que ça marche, ça. Je vous montre. Le poids des mots, le choc des photos, c'est Adrien Méniel. Ah oui. Ouais. Voilà, rassurez-vous, hein, je mets toute la ringarditude au début pour ensuite elles soient un peu moins là. Déjà, le mot ringarditude est. Et ringard ? Très ringard. Parce que je fais ringardise le vrai mot. Donc d'inventer un mot est plus ringard que. Tu vois. C'est mon petit univers, je te prie. Ah non, mais moi j'adore. Voilà. Justement, je disais, tu je dis champ max 10 fois par émission, ouais. Tu le sais en plus. C'est vrai. Pour commencer, alors on fait le petit jeu des grosses têtes. Je vous pose des questions sur l'actualité, ce qui vous permet de rebondir. Ça a changé, Anis. La dernière fois que t'étais venu, toi, c'était, j'avais demandé beaucoup de travail. Ouais, mais. Dit, réfléchis à 17 anecdotes, s'il te plaît. Non, avant, on commençait par les recos. Et on maintenant. Fait ça à la fin, maintenant. Ça à la fin. Non, mais j'ai vu. Il y a eu une évolution. Il y a une structure, ça s'est inversé, quoi. On est en reverse, là. En fait, on gagne pas plus de thunes, mais on travaille. Travaille trois fois plus, c'est quand même plutôt cool. Pas mal. Il y a de la thune? Aucune thune. Non, okay. Non, justement. Aucune. Il dit anglais. Et là, t'entends des bruits de pas. Un couple anglais s'est bagarré pendant 4 longs mois pour avoir l'autorisation de donner un prénom bien particulier à leur enfant. À votre avis, lequel? Covid. Ça aurait été stylé. Corona. Il y a eu ça en Inde, je crois. Ouais, c'est vrai. Ah, Corona, ouais, et Covid, des jumeaux. Ouais. Non, c'est vrai. Allez. Ouais. Mais en quel honneur? Ils font exprès. En l'honneur de la pandémie. Je pense, ouais. Très clairement. Je pense que c'est lié. Une sacrée coïncidence. Si ouais. Alors, lié à la pandémie, quoi. Ça se trouve, la pandémie, elle est arrivée, elle était en grossesse. On fait putain, le même nom qu'on voulait donner aux enfants. Mais tu rigoles, mais j'ai un pote, il a appelé sa fille Charlie. Et elle est née genre décembre 2014. Et genre 2 semaines après, tu ris. Et donc à chaque fois. Ah oui, tu l'as appelé en hommage et fait pas spécialement. Non, pas spécialement. Du coup, faut pas le préciser. Bah, il est profondément de droite, alors il a besoin de le préciser. Ouais. Pas du tout le dessin en plus. Il a testé ça. Alors non, j'ai pas un prénom. Non, non, c'est parce que ils sont bagarrés. Parce que normalement, ils ont pas le droit. En Angleterre, c'est comme en France, tu peux pas donner les noms que tu veux. Enfin, tu. Est-ce que c'est un nom de, d'objet? Non, c'est pas un nom d'objet. Est-ce que c'est. Pardon, ah oui, c'est vraiment une grosse tête. J'adore. Ah ouais. Vas-y, c'est parti. Trajet pour la Bourgogne en voiture. Est-ce que c'est lié à une personnalité problématique? Genre. Genre, est-ce qu'il voulait l'appeler Ben Laden? Non. Non. Dieudodo en hommage. Alain Sora, le prénom composé. Est-ce que c'est une marque? C'est pas une marque. Ça, c'était en France où il y avait eu Renault avait interdit. Enfin, la famille Renault voulait appeler sa fille Mégane. C'est mon choix. Donc. Ah bah, on est que sur des rêves qu'on a. Hein. C'est mon choix, les grosses têtes. Ouais, bienvenue. Hein. C'est un truc sexuel? Pas sexuel. Est-ce que bah, chacun sa sexualité après, enfin chacun fait ce qu'il veut. Tu peux pas dire que quelque chose n'est pas sexuel. Mais après, enfin voilà. Bah, mais tu me diras comment c'est sexuel du coup. Je reviendrai vers toi. ils ont mis 4 mois. Hein, c'est-à-dire qu'au début ils voulaient pas dans le Derbyshire. Est-ce que c'est un nom commun? Non, c'est un nom propre. Mais c'est un nom largement répandu. Ah, Adolphe? Non, mais bah non, remarque, t'as le droit. C'est-à-dire, est-ce que c'est un numéro? Mais non, du coup. Non. Oh, ça est-ce, cool. que... est-ce que c'est un 17. Nom? C'est un nom de famille de quelqu'un? Non. Donc est-ce que c'est lié à la famille royale? Ce n'est pas lié à la famille royale. Un le pays? Côté Angleterre n'était pas. Est-ce que ça pas. Fait un jeu de mots, le prénom et leur nom? Ah non, mais j'aurais adoré. Un pays? C'est non. Un... Parce que c'est un nom propre, tu dis. C'est un nom propre, mais c'est un nom propre depuis beaucoup de temps. Donc. Oula. Ah, c'est une insulte? Non, c'est pas une insulte. Ah. Non, grosse salope. Oh, ils ont pas voulu. Alors non, monsieur, ça va être compliqué pour le bébé. Putain. Je m'appelle fils de Pasco. Oh, un peu dur quand même. Compliqué. Nom propre, hein. Nom propre. Parce qu'une insulte, c'est un nom commun, donc. Je sais c'est... bien, mais oui, c'est mais si c'est pour me reprendre. Non, mais parce qu'il t'a validé, donc là, je dis voilà, on est attendez. Petit. Très bien. Nom propre. Il est très à cheval sur ces choses-là. Non, mais. Est-ce que c'est un prénom? C'est juste un prénom. Chum. C'est un prénom très ancien, pas Chum, mais. Ah, genre Godefroy, des trucs dans le genre. Non, non, mais c'est un truc religieux. Napoléon. On se rapproche de la religion. Jésus. Non. Dieu. Jésus, t'as le droit. Ah, c'est Judas. Non. Dieu, c'est drôle quand même. Lucifer. Je vais appeler mon enfant Dieu. Ah, putain. Ouais, non. C'est Lucifer. Lucifer. Nous trouvions que c'était un beau prénom, un nom unique. On nous a dit que c'était illégal de nommer un enfant comme ça, alors que vraiment, nous, on en rêvait. L'Angleterre a dû s'excuser parce que la famille a dit on s'est senti offensé, donc on n'est pas le droit d'appeler notre enfant comme on veut. Et donc, en du plus, coup... il a déjà des petites cornes. Non, c'est pas vrai. Donc, en plus, c'est clairement sexuel, hein, Lucifer. Ça peut l'être. Oui, en plus, ça oui. Clairement, l'être clairement, beaucoup oui. de gens. Ouais. Je sais pas, moi, tu sais, j'ai une vie sexuelle très très ennuyeuse, hein, donc vraiment, pas ouf. Mais j'en parlerai un moment, t'inquiète pas. C'est parti, on peut. Est-ce que vous connaissez l'origine de vos prénoms? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Attends, Anis a ricané. D'où ça vient étymologiquement? Non, par rapport à vos parents, si vous leur avez demandé. Ou. Moi j'ai ricané parce qu'il s'appelle Panayotis, c'est tout. Ah oui, oh, oui, excellent. Ouais. Wow. Ouais. Bah, bienvenue au collège. Eh, le nulot, c'est. Eh oh, Panalotis, on va comme ça. Panalotis? C'est une prof un jour qui a pas fait exprès. Elle a dit Panalotis vraiment en cours et j'ai vraiment senti mon âme disparaître. Parce que t'étais devenu à ce moment-là Panalotis jusqu'à la mais fin de l'année. Ouais. Pourquoi c'était grave? Bah, c'est Panalotis, bah, parce qu'au collège, la prof, au lieu de dire Panayotis, elle dit Panalotiste. Ah, l'autiste! Ah oui, Panalotiste. Mais je sais pas si elle l'a dit comme ça, mais tout le monde a compris ça. Ah, d'accord. Ouais. Et il y a vraiment eu un gros silence et tout le monde a fait. C'était l'horreur. Parce que normalement, il y a une évolution. Quand c'est validé par la prof, c'est terminé. Normalement, il y a une évolution, c'est panal autiste, et après, ça serait devenu panal gogol. Enfin, tu vois, c'est souvent, il y a évoluer les insultes. Très compliqué. Mais c'est rare que ça vienne des profs quand même, ça, c'est fort. Je sais pas si elle a fait exprès ou si elle voulait me cacher. Je pense pas, c'est horrible quand même si elle l'a fait exprès. T'étais quel genre d'élève? T'étais horrible ou pas? Non. Bon, ça va. Du coup, est-ce que t'es devenu un peu autiste suite à ça? Non. Parce que, genre, le prénom. Non. Mais c'est une belle théorie. Moi, par exemple, mes parents, ils voulaient m'appeler Robert. C'est quand même fou. À cause de Robert Smith de The Cure. Mon père était fan de The Cure. New Age. Fou, hein? Oui. Cheveux longs. Mais je trouve ça marrant, les trucs Robert, de donner cool. un prénom de, en fonction de la personne que t'aimes bien. C'est ça? Très bizarre. Oui. Comme et concept. Surtout que Robert Smith, peut-être aux States, Robert, c'est stylé. Mais voilà, c'est ça. Robert. Mais en américain France, et... Bob. Ouais, mais voilà, Bob. C'est ça. C'est qu'aux États-Unis, ils le transforment en Bob. Parce qu'eux aussi, ils trouvent ça chum. Mais nous, on fait pas d'efforts. Nous, c'est Bébert. On garde soit Robert, soit Bébert. Mais ça aurait fait même Robert Bernard. Enfin, ça aurait été horrible, quoi. Ah oui, Robert Bernard. Non, Robert Bernard. Robert Bernard. Ah, mais c'est vrai. T'aurais appelé Berber. Et alors, vous savez pourquoi moi je m'appelle Florent? Florence. Pour Florent Delarue. J'allais dire Florence Boccolini. C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Moi j'ai dit Florence Boccolini, donc on était nuls. Arnaud. Florent de la rue. Florent de la rue, il y a vraiment rien. Quoi. Florent Père. On dirait les gens non, qui reconnaissent, je crois, reconnaître les gens dans la rue. Florent de la rue. Non, c'est parce que je devais naître le 4 juillet et que c'était la Saint-Florent. Donc on est sur une grosse. Et t'es même pas né le 4 juillet. Non, j'ai retard de 17 jours, 21 juillet. Et donc du coup. C'était il y a pas longtemps. Là, c'était il y a pas longtemps. Bah, joyeux anniversaire. Bah, je te remercie. Et t'as pour ton quelqu'un qui est né à Valentin. Et là, du coup, vraiment une grosse imagination. Toi, Alex, c'était par rapport à quoi que t'as demandé? Non, moi je sais pas du tout. C'est pas toi, c'est pas curieux. Non, mais ma mère, elle est très pragmatique. C'est oh, bah parce que il y avait les trois syllabes. Tu sais, ça va être vraiment, il y a un truc hyper. Y a aucune magie quoi. Alexandre, on aimait c'est bien. Plus rapide à écrire. On Alexandre, bien. Ça laisse très peu place à la magie. Hein. Ou alors un petit claque doigt quoi. Alexandre, quoi, c'est pas. C'est Laurent aussi, Adrien, c'est pas. C'est-à-dire... Oh, ça va, c'est des... Panayotis, excuse-moi. Annie, c'est Panayotis. Oui, Panayotis, oui, mais c'est... Bah, c'est des noms de patronus, bah, vous limitez c'est un sort. Bah, c'est pas français, c'est juste pas français, c'est Panayotis. Tout. Mais... on est dans quel pays en fait? Juste. Je sais pas, excuse-moi. En termes de magie là, oui. Ça a été très vite aujourd'hui, 12 minutes. Tu feras attention. Pardon. Oui, oui. Non, mais t'aimes bien. Va en Grèce, tu vas voir s'ils trouvent ça chambé ton prénom. Ils diront normal, c'est normal. C'est grec toi alors? Ouais. Bah ouais. Panayotis Fasoulas. Ça veut dire le petit, alors, le petit nuage qui pleure. Non, mon père m'a fait croire pendant longtemps que ça voulait dire petite lumière. Et un jour. Et je le crois. Anecdote. Et franchement, je le crois. Et je rencontre Nikos. Et. On peut s'arrêter là, s'il vous plaît. Et il vient me voir un peu. Il sait que je m'appelle Panayotis. Il croit que je suis grec et il me parle en grec. Et moi, je suis pas grec. Moi, ouais, j'avais un oncle. Ah non, attends. Ouais. Plus tard. Mais quand il est rentré. Ouais, non. Dans un magasin, il disait des mots en wolof au vigile. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient noirs. Un peu racisme. Ouais, ah, d'accord, ouais, d'accord. Et, ouais, okay, d'accord. Et du coup, je me souviens quand Nico s'est approché et m'a fait ça, je me suis dit, c'est autant raciste. Ouais. Mais il est en costume et c'est The Voice, donc ça va. Bref. Il a pris une photo en noir et blanc derrière. Et ouais, et du coup, il me parle en grec et je dis, je suis pas grec et tout. Il me dit, mais au moins tu sais ce que ça veut dire Panayotis. Et moi, je suis tout fier, je dis petite lumière. Et il a rigolé pendant tellement longtemps. Il m'a dit, ça veut dire les tout saints. C'est genre l'entièreté des saints. Ah, bon, ce que pas mal non plus. C'est vrai que t'aurais pas pu te renseigner d'ici là. Ouais. Bah, j'ai fait confiance à mon père. C'est un concept aussi qui fonctionne. Et ton père te dit un truc, tu l'écoutes. Non, oh là là, ça, moi j'ai très vite appris que non. Hein, ouais. Il y a bien un truc moi, je le sais maintenant. Qu'on répète dans ce podcast, c'est surtout pas ça quoi. Surtout pas ça. Non, mais ça va, tous les saints, ça aurait pu être genre, bah non, ça veut dire claquette. Ah, mais All Sense en fait. Ça veut dire coriandre. All Sense. All Sense. C'est ça, putain. C'est moi. Et toi, Anis, tu sais ou pas du tout? Attends, mais aussi. Mais oui, parce que Pana, t'as le droit de raconter ministère. À la Grèce et tout. Oh, c'est allé trop loin cette histoire. Un jour, j'étais à la télévision et je me fais contacter par le comment ça s'appelle, le consulat? Non. Ouais, comment ça s'appelle quand il y a des trucs de dans les pays, l'ambassade. Merci, j'adore ce jeu, les grosses têtes, mais nul. Les définitions. Et je me fais contacter par l'ambassade de France en Grèce et ils me disent on aimerait pousser les jeunes grecs, les jeunes francophones en Grèce à faire plus, à entreprendre plus de choses, et du coup on aimerait inviter un jeune grec pour parler. Et dans le mail je me dis tout de suite, mais je suis pas grec en fait, c'est triste. Et ils me disent on vous fait un voyage tout frais payé, je suis en grec. Grèce. Et ils mettent des photos de l'hôtel. Ah ouais. Pour me chauffer et tout. Et j'ai vraiment hésité longtemps, ça a été un vrai dilemme. Et je me suis dit, je pourrais faire je suis un peu grec. Après, je me suis dit, j'ai peur que si j'arrive là-bas, ils me disaient, du coup, vous venez d'où? Et qu'ils disaient, de vers là. Vous savez, moi, je suis un petit nuage. Hein, j'ai pointé la Sicile. Ouais, mais je suis vers là-bas, au loin. Attendez, la Sicile, c'est pas grec? Ok, pardon. Mais c'est, ouais, c'était assez marrant. Et au final, j'ai dit non. T'as dit non, alors qu'il y avait de la thune à la clé peut-être. Bah je sais pas. Il y avait la Grèce quoi. Anis il a pas voulu répondre, il a tout mis balancé sur toi. Non mais j'adorais cette anecdote parce que je voulais partir avec lui. J'ai cru qu'on allait le faire et... Parce que c'est comme ça qu'il mais l'a vendu. Anis, tu rajoutes deux i et ça fait ouf. Non moi j'ai pas beaucoup d'infos. Je sais juste que mon prénom veut dire mais c'était pas ça ta question, mais ça veut dire bon compagnon. Ce qui est stylé. Et quand je dis ça aux gens, ils disent qui te l'a dit? Qui te l'a dit? C'est tes parents? Non, en arabe ça veut dire ça, okay, je crois. Okay. Et puis en fait, je crois que c'est un mec qui s'appelait comme ça, qui était un bon gars, tu vois. C'est et ils ont ça. Ah ouais. Et le gars a fait modifier le dictionnaire. Ouais, il a fait changer les mots. T'imagines, les gars, je suis vraiment sympa, changer le dictionnaire. Ça vient toujours de là, de toute façon. C'est bon comme Frigidaire, quoi. C'était une marque et après ouais, c'est voilà. Devenu le nom. Scotch, Sopalin. Putain, allez, venez, on en trouve tous un. Scotch. Nutella. Quoi? Ouais. Bah, on dit pas pâte à tartiner quand c'est un vieux truc. T'imagines, t'es le Frigidaire des bons compagnons? C'est quand même fou. C'est ça, t'es le nouvel meilleur des bons compagnons, tout le monde te veut. Mais la pression, gars, surtout. Ouais. La pression, elle est folle. C'est fou. T'avais pas dit que t'es un bon compagnon. Waouh, mec, je suis déjà coup, pas bien. Avant que ça veuille dire bon compagnon, ce mec-là, ça voulait dire quoi? C'était un gars, un ouvrier. Ça s'appelait Alice. Un charpentier de base, quoi. Jésus, Jésus. Ouais, il a rendu service et bim, mec, c'est devenu okay. Anis. Et donc la plante est arrivée quand? Ouais. Ah non, bah c'est juste que ça, c'est d'autres, d'autres cultures. Mmh. Mais la plante, ça s'appelait pas comme ça. C'est parce que c'était une très bonne plante. Quand les Arabes sont arrivés en France, ils se sont dit ah, les bâtards, nous c'est notre poteau, vous c'est une plante, tu vois. Et il y a même un gars qui a dit non, nous c'est le ricard. On a dit, allez, bon, on se casse. Et après en primaire, on m'a dit anus. Ah bah bien sûr. Ah, bah, ouais, oui. C'est bon. Ça, c'est stylé. Dès ça, la primaire. Non, non. En vrai, c'est collège. Ah ouais, mais j'ai eu peur. C'est dire le stade anal. Ce qui est fou, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en CM2, je feuilletais le dictionnaire. Et je suis allé voir mon prénom. Pourquoi ? Bah, j'étais pas dans les saints, tu vois. Ouais. Je me dis, je suis peut-être dans le dictionnaire. Ils sont cons, ces enfants immigrés. Concentre-toi sur les études au lieu de te chercher dans le paysage. Bref, je tourne des pages. Je cherche Anis et je vois qu'il y a pas mon... Enfin, je vois qu'il y a la plante et juste en dessous, je vois Anus. Et je me souviens, c'était le petit Robert pour les enfants, mais même là, c'était clair, mec. Il y avait la photo qui avait écrit, je crois. Trouduc qui avait écrit carrément. Ils sont pas pris la tête. Et je me suis dit, déjà, ça. T'es ça pas va. Loin de... Ouais, mais je l'ai su avant, c'est ça qui est bien. Et des fois, on t'insulte et tu rentres chez toi, tu dis « Maman, ça veut dire quoi ?» Voilà, voilà, tu vois. Moi, ça. J'ai pas eu besoin de ça. Moi, je l'ai découvert avant. Je t'en dis « Oh, les bâtards, dans 2-3 ans, ils vont me la faire. » C'est arrivé. Ça une ouais, partie, voilà, tout ça m'est arrivé préparé. Avec « Fils de pute ». Premier gars qui m'a dit « Fils de pute », tout le monde a fait « Oh !» Et moi, je je sais pas ce que c'était. Mais c'était très très jeune et tout. Et donc j'ai pas été énervé. Et mon pote il m'a dit mais t'as rien dit alors qu'il a dit que ta mère Là j'ai compris et j'ai été énervé après coup. C'est très bizarre le genre rythme. Tu connaissais quand même le terme prostituée ou t'as même découvert non, tout un métier grâce à l'insulte? C'est juste pute. Je l'ai pas compris dans ce contexte. Pour moi c'est dans des films, dans des parkings. Il y avait un parking quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Là il y a pas de parking. Ouais, c'est un Tarantino normalement. Ouais, c'est ça, et elle bouge le sac à main en tournant comme ça. Et un gros rouge à lèvres. Je suis d'accord. Ouais, moi ça manque ça, hein. Ça manque. Le vieux réac. C'était dans moi ça, j'avais lu ce fameux truc, c'était merde à celui qui lit dans le bus, et j'avais fait à ma mère. Oh, j'ai vu une vanne incroyable. Il y avait écrit merde à celui qui lit et j'ai lu. Donc c'est du génie. Tu vois, genre j'avais c'est vrai. Bah, j'avais vraiment, je l'avais félicité à haute voix. Les premières vannes qu'on a aimées. Je crois que c'est mon plus vieux souvenir, moi, de vanne, avec un sketch des frères Taloche où ils reprenaient. J'aime tellement les frères Taloche. Tu sais qui passe à l'européen là? Bah oui, j'ai vu, l'affiche est assez marrante d'ailleurs. Je suis en plus fan des frères Taloche. Mais ils avaient fait un... Bah tu sais, leur sketch le plus connu, c'est quand ils reprennent il J'ai encore rêvé d'elle. Ça, voilà. Playback, ouais. Ça, je me souviens, gars, c'est mon plus 23. Vieux souvenir de fou rire. De vraiment de mal au ventre et de larmes. C'est génial. Mais ils font un gala en Belgique tous les ans. Faut t'y aller. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas lui prendre le train. Pas aller jusque là. À l'européen, c'est un petit métro, quoi. C'est 20 minutes de métro. Un métro, tu peux. Voilà, tu t'intalisses. C'est vraiment. T'es fan feignant, quoi. Quel mouvement de libération un peu surprenant a eu lieu aux États-Unis? Soutien-gorge. Non. On est sur une bonne vibe, hein, parce que je sais que protestation aux États-Unis, ça peut être un peu dark. Là, on est sur un bonne vibe. Parce que Black Lives Matter, c'est un peu dark. Et je vais m'assurer que ce ne sera pas coupé au montage. Que les gens connaissent ton vrai visage, Florent Bernard. Écoutez, c'est des vraies revendications, pas comme aux États-Unis. Oui, là. C'est des vrais trucs sérieux. Là, celle-là, elle est aussi aux États-Unis. Et oui, et vous allez voir la réponse, c'est vrai, ouais, c'est autre chose. Libération. Le droit de ne pas porter de masque. Ouais, déjà, non. Ça, c'est mais marrant. Mais ça, c'est vrai qu'il y en a. C'est génial. Ça va arriver en France. Ça arrive. En France, j'ai vu aussi ça. Alors, non, justement. Il y a des mèmes déjà, il commence à y avoir des mèmes. J'ai vu un truc marrant de gens sur Twitter qui insultaient en disant ah ouais regardez les Français ça critique les Ricains et ça fait déjà des manifs, on est vraiment il y a vraiment des gens en France qui sont aussi débiles que les Ricains, et en fait c'était au Québec. Donc, ah oui c'est ça que j'ai vu. C'est tellement génial. En prenant de haut était plus débile en fait. C'était après quand même nous on est bien cons, hein, parce que là on est dedans. Mais on se rappelle quand on disait bon ça va, ça arrive qu'aux Chinois. Il y avait ça au début. Horrible. Horrible. Ça a été très vite. Donc du coup, alors du coup, un truc j'ai de vu libération. Une photo et du coup ça m'a rappelé, je connais la réponse. Ah merde, j'ai pas mis l'iPad assez bien. Du coup t'as triché, merde. C'est marrant comment tu l'expliques. T'as dit j'ai vu une photo. Mais non mais triché, mec, une photo est apparue. Non oui parce que je suis un peu médium et ah j'ai pas vu ton écran, non j'ai ressenti. Ah genre d'accord, je rigole. Non. Allez-y, mais vas-y, c'est un truc avec les animaux. Si bien je réponds pas, j'ai pas envie d'être forcément. C'est sexuel. Tu vois. C'est sexuel. Ça peut l'être. Ah, tiens. Ça c'est un beau mouvement de contestation intéressant. Tout peut être sexuel. Mais c'est ça, malheureusement ouais. Maintenant toutes les questions. Une manif, il y avait site par exemple. C'est te dire. Il y avait pas plein, tu sais, le parti du plaisir là. La meuf. Le parti du plaisir, la meuf qui voulait être élue présidente de la République. C'était une meuf hyper. Toute siliconée qui disait partie du plaisir, tout est sexuel, ah c'est bien ça. Bah, si, associe-toi, Pan. C'était quoi, Roselyne Bachelot? Non, tu connais pas. Tu connais pas son nom? Pas mal. Non, mais vraiment, vraiment, c'est pas une vanne. Non, non, mais oui, ça existe. Non, c'était un vrai truc pour le coup. Je me souviens de l'affiche. Bah, chasse et pêche, je trouve ça génial à chaque fois. Bah, voilà, bah, c'était une impro comme ça. Sauf que elle, c'était chasse et. Chatte? Non, je sais pas. Chatte et pêche, putain. J'étais à ça là. Dites-vous que c'est par rapport. On est dans la pop culture. Non, parce que j'ai essayé de chercher un jeu de mots, après je me suis dit pourquoi tu essaies de chercher. Moi j'ai essayé de chercher culture. Une marque qui était. J'allais dire chat épine. Je sais même pas marrant. Mais après les pêches, c'est. Oui, c'est pour ça, on l'a. Ah ouais, les grosses pêchasses, pardon. Je sais pas pourquoi. Ah, tout était vraiment sexuel apparemment. Je sais pas pourquoi. On est dans la pop culture. Ok. Voilà. Les cosplays, un truc. Non, pas les cosplays. Les furries, c'est. Non. Les furries, c'est clairement sexuel. On est très dans le sexuel. C'est quoi les furries? C'est les gens qui aiment bien se déguiser en animaux et baiser avec de la fourrure. En animaux à fourrure. Ouais, voilà. Plusieurs types d'animaux. Et ils se mettent aussi des plugs. Des fois des. Je le tape pour faire des. Un plug anal avec une queue d'animal qui sort. Oui. Ah, ça je vois. J'ai croisé une meuf. Le clip What the fuck. Je crois qu'ils avaient ça. Bah ouais, c'était un god dans le cul. Enfin, c'était peut-être pas dans le cul. Pensez States, pensez Amérique, pensez. Pensez années 90. Années 90, pop culture. On est dans ce monde-là. Ah ouais, la country quoi. Ouais, non, pas country mais musique. Ah, la musique. Un truc de libération. Ah, c'est les clowns Insane Clown Posse ou un truc comme ça. Non, c'est très précis mais non. Ouais, ouais, ouais, mais attends, c'est les Juggalos. Non, là on est dans un truc plus connu quand même. Eminem. Non. Attends. Mais tu te rapproches. C'est dans le milieu du rap? Non. Voilà. Du coup, le droit. Parce que t'as dit Eminem, il a dit tu te rapproches. Il est tellement hip-hop. Un blanc. C'est la personne. Le droit d'être fan de Nicolas Cage. Non. Attends, c'est un moment de libération, tu dis. Oui, non, mais vraiment pour que la personne soit libérée. Ah putain, mais j'étais pas du tout là-dessus. Moi, je crois que c'était dans des manifs. J'ai joué avec les mots. Un moment de libération. Ah, tu boxes avec Joe Tiger. Tiger King. T'as pas Tiger King. Joe avec Joe Tiger. Joe Exotic. Je suis tellement. Quel Covid d'ailleurs, je vous le rappelle quand même. C'est vrai qu'il a la Covid. Il a la Covid, pardon. Je te le rappelle aussi, j'oublie. Il a la Covid. Pensez. Donc un chanteur qui est en prison? Non, justement, pas en prison. Ah, mais c'est Britney Spears. Mais oui, c'est Britney Spears, évidemment. Mais elle est en prison mentale. Elle est. Bah alors c'est ça. En fait, depuis que les gens sont tombés sur son Instagram, en fait, il y a toute une théorie du complot. Et il y a aussi TikTok. Sur Instagram, donc que des sources. Et en fait, il y a toute une théorie du complot autour de Britney Spears. Alors, faut savoir que depuis 2008, elle est sous tutelle de ses parents puis de son manager. Là, c'est son manager, donc déjà il y a une ambiance. Et en fait, c'est. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur son Instagram. Oui. Et en fait, elle se filme en contre-plongée et elle a l'air de pas aller très bien et elle fait des chorégraphies. Non, elle a l'air d'aller bien. Ouais. Mais quand tu regardes bien. Quand tu regardes comme ça, tu dis pas qu'il y a un truc qui va pas. Il y a une bonne ambiance, mais quand tu regardes bien en plissant les yeux, sauf qu'il y a la méga vidéo. Ouais, le truc où elle fait ses allers-retours là, elle fait un truc de mannequin là, elle fait 20 allers-retours. On dirait, tu sais, les films où genre elle teste pour savoir où sont les caméras de surveillance et elle voit les angles morts des trucs. Et en gros, sur Instagram, les gens, les top commentaires, c'est tout le monde. Non, mais là, on va pas faire semblant que tout va bien, il y a un problème et tout. Les gens sont vraiment inquiets. Et alors, il y a un podcast qui a été lancé en janvier qui s'appelle le Britney's Gram, qui est donc un podcast consacré à l'analyse du compte Instagram de Britney Spears. Et donc, en fait, il y a vraiment des conspirations. Par exemple, il y a un usager de Twitter, qui était en top commentaire, qui avait mis Britney, si ça va pas et tu veux qu'on vienne te sauver, dans la prochaine publication, tu mets un haut jaune. Ouais. Juste après, elle fait le truc avec le jaune en mettant mon fleuriste m'a fait une surprise en me faisant un bouquet de toutes les couleurs, j'étais tellement excité que j'ai mis mon haut jaune préféré. Il fallait que je vous le montre avec montre en capitale. Donc les gens commencent à dire ah, peut-être qu'elle veut être sauvée. Dis donc, elle en tient une couche, la couche d'eau jaune. Oh, j'adore ce silence, je me régale. T'étais si loin, mec. En plus, je l'ai un peu fourché. Ouais, c'était parfait, quoi. Pour moi, là, t'es. C'est Britney qui t'inspire comme ça. Ah. Elle était très bien. Tout le monde déteste, j'adore ça. Si, on est tous en train de chercher, du coup. Ce que t'aimes, c'est le fait de sentir que t'es détesté. Un peu, ouais. Tu l'as vraiment détesté? Non, mais c'est parce que t'as dit tout le monde déteste, alors que non. Ah, peut-être c'est lié à l'enfance. Peut-être c'est lié à l'enfance. J'aime bien les petits blancs comme ça, ouais. Mais en tout cas, voilà, elle tient vraiment à être sauvée. Oui, parce qu'elle peut rien faire, c'est ça. Il y a des gens qui disent qu'elle est un peu droguée ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de noir sous ses yeux si elle se maquille vraiment pour. Enfin, ça fait appel à l'aide, quoi. Il y a vraiment une ambiance. Oui, mais c'est comme les gens qui ont fait ça pour les. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en fous. Non, vas-y. Je t'en fous, ça donne. C'est toi l'invité. Je t'ai regardé tellement profondément dans les yeux. Mais il y avait ça aussi en France avec les deux enfants, là. Ah oui, Neo et Swan. Neo et Swan. Ah, il disait dans ta prochaine vidéo, habille-toi en noir. C'est la couleur de tous les t-shirts de tous les ados. Dans la prochaine vidéo, cligne des yeux si tu veux qu'on vienne te sauver. Bah, unbox des bonbons. Ouais. C'était qui j'ai pas là. Neo et Swan, en fait, c'est deux gamins qui. Leurs parents tiennent une chaîne YouTube. Deux intermittents. Leurs parents tiennent une chaîne YouTube et ils font des activités tous les jours. Putain, mais oui. Et c'est un peu flippant parce qu'ils sont mineurs. C'est allez, ouvre cette boîte. Exactement. Et là, ils sont au lycée. Et il y a un truc qui est sorti récemment où, genre, il y a le petit, alors je les confonds, je suis désolé, j'ai pas suivi exactement la carrière de Neo et Swan. Mais Swan, c'est le plus petit, je crois. Ouais. D'accord, ok, bah donc la mère va voir Swan, il dit viens, on va réveiller Neo, on va lui faire une blague. Et ils arrivent avec des pistolets, ils réveillent le gamin, le gamin se lève, et en fait, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on devine une érection matinale d'adolescent, et vraiment, il tire sur son t-shirt pour cacher, et la vidéo est sur YouTube. Ah, du coup, il y a eu pareil sur Twitter, en tendance, un front de libération de Neo en disant laissez cet enfant avoir une adolescence normale. Laissez cet enfant se branler le matin. Laissez-le tranquille. Donc, ouais, je viens de tilter qu'il s'appelle Neo quand même. Hein. C'est ouais, comme, on parlait des prénoms, mais le gars, c'est l'élu, mec. c'est ouf comme prénom. Il est dans la matrice avec ces vidéos. Depuis 2002, dans le Colorado, est organisé un festival assez particulier, voire carrément glauque, autour d'une figure locale. À votre avis, laquelle? Je vais mettre comme ça, excuse-moi. Ouais, bah, du coup, c'est moi qui vois. Mais non, mais c'est la figure, c'est une personne. C'est une personne. Okay. Ça aurait pu être un petit canard ou un truc comme le truc de la marmotte dans le. Ou ça aurait pu être une, marmotte. Un une figure, une vraie figure. Juste oui, un visage. Quoi. Un visage. Non, une figure acrobatique. Qui a été scalpée. La rondade. La rondade. C'est une personne humaine. Oui, une personne humaine. Okay. Dans le Colorado. De type dans le Colorado. Femme. De type homme. Une figure locale. Ou non genre. Non, non, si c'est un homme. Local. T'as dit quoi, pardon? Local. Local, oui. T'imagines, il dit juste des mots comme ça. Oui. Ça fonctionne sur moi. Quimper. Pas du tout. Acrostiche. Colorado. Non, c'est une figure locale. Mais cherchez pas, genre, ouais, le côté Rosta. C'est le maire. Non. Oh. Mais c'est quelqu'un qui a vécu. Quelqu'un qui est vivant. J'avais demandé quelqu'un qui est vivant. Non. Donc. Non. Un indien. Non. Paul Colorado qui a donné son nom à l'État. Non. Quelqu'un qui a atterri en parachute à cet endroit précis. Non, quelqu'un qui a putain, imagine t'avais juste ça aurait été incroyable. Ah, mais non, exactement, la vie, c'est en ça. Parapente. Non, c'est quelqu'un qui a eu une existence relativement normale. Ouais. C'est le après où du coup il y a eu un festival à son nom quoi. Ah, il est mort. Alors il est mort. Et il est revenu. Est-ce que c'est sa mort qui est. Non. C'est sa mort qui est cocasse. Pas sa mort qui est cocasse. Ouais. Sa tombe. Pas sa tombe. Il a fait un truc dans sa tombe. Vie. Sa tombe. Ses enfants. Mais voilà. Ah, il a inventé un truc genre le cure-dent. Non. L'endroit où il est mort. C'est l'endroit où il est mort. Alors il est mort, mais c'est pas ça qui. Est-ce que c'est. Du coup, c'est à titre posthume, il a eu une. Jésus. Non, c'est pas Jésus. Parce que de ce que j'ai entendu, c'est un type assez normal. Ouais. Et en plus, selon les Mormons, il est dans le Colorado, je crois. Non, mais c'est pour le coup, c'est vraiment, c'est pas sa mort en particulier, c'est le après sa mort. Sa famille a fait un truc autour de lui et du coup, ils ont planté un arbre. Ils ont mis une plaque de verre. Il est en impro. Non, mais il s'approche. Tu t'approches. Ah, ils l'ont empaillé. Lui, il s'est lancé dans sa phrase. Il est pas empaillé, mais on s'approche. Il y a une statue de lui. Non, on est plus vers empaillé. On le voit. Il y a un automate. Il est momifié. Il a été juste j'ai posé. J'ai envie de te l'accorder, c'est pas exactement ça. Il a été congelé. Aïe. Et en fait, en gros, le. Momifié par le froid, je voulais dire. Ouais. bien sûr. Et depuis 2002, sachant qu'il est mort en 89, hein, quand même, depuis 2002, la ville de Netherlands, au Colorado, organise le festival Frozen Dead Guy Days. Il a même pas de nom, Si, c'est Papy Bredo, s'appelle. Attends pour moi. On l'embrasse d'ailleurs. Papy Bredo. Je pensais à Papy Brossard, tu vois. Le principe est simple, le petit-fils de ce Norvégien mort en 89 sort le cadavre de son grand-père congelé. Oh et les participants. Ça fait des. Après, on dit pourquoi il y a des tueurs de masse aux États-Unis. Et les participants au festival font des courses de cercueil en son honneur. L'idée est de garder Papy Bredo en vie jusqu'à ce que la science puisse le faire revivre. Moi, j'espère qu'ils font des Mr. Freeze où ils mettent une petite figurine dedans, tu vois. J'espère qu'ils font tout court. Oui. Oh ils le sortent, mais après, ils le rendent vite. Ça ressemble à ça. Non, mais c'est faux. J'y crois pas. Impossible. Non, ça c'est pendant le festival et je pense que c'est l'hommage qu'il lui rend en le recréant. Bel hommage. Mais... sinon, la tissu comme ça en plein soleil. Le mec, mais t'imagines un jour il vraiment il revient à la vie. Vu qu'il est mort. Et il a des courbatures partout. C'est le film, personne comprend pourquoi. C'est le film Hibernatus. Mais là, on dirait le pilote de Game of Thrones, mec. Oui. Sans argent. Non, mais surtout, effectivement, là, il y a un rapport à la mort qui est tranquille, quoi. Enfin, les mecs sont bien. Deux employés d'une pizza dans l'Ohio ont été licenciés. À votre avis, qu'ont-ils fait pour mériter ça? Ils ont éjaculé dans les pizzas. Ah ouais, t'as pareil. Non, on peut pas serrer la main. Mais ça, c'est Pizza Hut. Serrer la main. Ils ont. C'est la recette de base de Pizza Hut. Non, non. En France, c'est dans les kebabs. Tu te dirais si t'éjacules pas un Pizza Hut. C'est marrant. En France, la légende urbaine, c'est les kebabs. C'est vrai. C'est vrai. La pire. Vous avez jamais entendu cette légende urbaine? Je traite pas dans les mêmes. Seule fois où j'étais malade, c'est en mangeant un kebab. Non, mais moi, c'est cette espèce de camion près d'une aire d'autoroute à 4h du mat, oui, voilà, relié à un groupe électrogène. J'aurais dû m'en douter. C'est vrai. Non, c'est vrai, j'avais trop faim. Mais non, mais cette légende urbaine, vous avez jamais entendu? Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de kebab. Les gens, gens qui disent, ouais, là, il y avait un kebab. Je l'ai entendu genre de 3 personnes différentes. Ah ouais, c'est vrai. Et ils disaient, ouais, il y avait un kebab dans la ville et puis il a fermé parce qu'un jour. Il y a des gens qui ont analysé la sauce blanche et déjà, ils ont trouvé genre 12 sortes de sperme dedans, quoi. Ah, 12 ouais. Non, mais il y a combien d'employés dans ce kebab? Non, mais bah, peut-être pas. T'as pas vu le film 12 hommes en colère? C'est ça l'histoire. Non, on est en juste allé détendus en colère. Branlez-vous dans la sauce. Non, mais même un truc de sperme. Mais c'est drôle. Enfin, ça. 12. Ils sont. C'est marrant parce que la personne qui a menti en racontant ce truc, quand elle a dit 12, elle s'est dit, ah, je suis chaud. C'est hyper drôle que d'un coup les gens disent, tiens, si j'analysais. Oui, c'est ça. Tout le monde a son petit labo chez soi. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que normalement, quand t'analyses, tu sais ce que tu cherches. Tu dis, cherchez s'il y a ça. Donc là, le mec fait. Non, non, bah y'a rien, tout est clean, il a fait. Cherchez du sperme. Putain, bien joué. Il y en a 12. Pasteur, c'est allé comme ça, hein, c'est arrivé comme ça. Donc non, c'est pas du sperme. Pas du sperme. Bon, c'est une pizza, ils ont été virés, d'accord. Ils ont été virés d'une pizzeria dans l'Ohio. Ils ont mis des légumes dessus. Non. Est-ce que l'Ohio a une importance? Aucune. Ils ont mis un petit bout de papier brosse. Ils ont écrit fuck Trump sur le. Non, mais il y a un message. Est-ce que c'est le fait qu'ils soient deux? Croix gammée. Ils ont fait un truc à deux. C'est à deux, mais c'est une croix gammée, okay. Effectivement. Oh là là. Il faut être deux pour faire une croix gammée. Apparemment, en tout cas, ils étaient deux pour la fin. Ils l'ont fait avec le chorizo, ce qui est plutôt mignon. Mais, et donc, ils se sont fait complètement renvoyer. Je comprends. Chorizo. Je pardonne pas, mais je comprends. Alors, je l'explique. Il y a cette phrase un peu marrante de la pizzeria a tenu à se désolidariser de ce message. Et tu fais, bah oui, on entend. Je pense que c'est du pepperoni, si je peux me permettre. Mais on est sûr qu'elle est dans le bon sens, parce que dans le sens inverse, c'est signe de paix à Bali. Oui, je sais. Bah moi il y avait, alors moi j'ai grandi en Bourgogne et Dieu sait qu'il y avait des nazis et il y avait ça, il y avait des gars qui savaient pas dessiner les mais dans le striptease aussi. Je sais pas si vous avez vu ce striptease avec le nazi l'émission striptease. Ah, il les fait à l'envers. Il y a un belge qui est, il va dans la forêt faire des croix gammées et après enfin la scène est un peu marrante même si elle est extrêmement glauque quand il arrive il fait ah merde, je l'ai fait à l'envers. Moi j'ai vu des vrais croix gammées mais pendant un vrai striptease. Oui, mais après t'as beaucoup voyagé. D'où Lucifer. Il a roulé sa bosse, hein. C'était pas en Grèce déjà. Tout le monde du cul il connaît, hein, connard. Des chercheurs ont découvert que les chansons de Noël, pouvaient avoir. Ouais, pas de Noël. Un vrai chanteur. Des chercheurs ont découvert que les chansons de Noël. Noël, c'est un gars qui est en demi-finale à la Starac. Les faux noms jeunes N'W-E-L. Noël. Donc non, c'est des chansons de Noël pouvaient avoir un effet néfaste. À votre avis, lequel? Le stress. Casser les couilles. Non. Et bim, les chants de Noël dans la gueule. La déprime. Eh bien, c'est ça. La dépression. Simplement, en tout cas, il nuirait à votre santé mentale. Bah, c'est sûr qu'après un 12e All I Want for Christmas de Mariah Carey, tu. C'est bah là en l'occurrence, Linda Blair, psychologue clinicienne et auteure britannique. Vinda Blair. Linda. Linda Blair. Linda Blair. D'accord, rien à voir. Rien à voir avec ce qu'il y avait dans ta tête, visiblement. Corinne Bergerac. Non, mais pour moi. Linda Blair. Elle dit que en fait, c'est l'écoute, c'est le côté répétitif de ces chansons qui, par exemple, dans les magasins de jouets, sont très nocifs pour l'état mental des gens qui y travaillent, tout simplement. Ah oui, mais c'est parce qu'ils les écoutent en boucle. Nous avons prouvé qu'une musique associée à la thématique des fêtes, alliée à des odeurs du même type, tout cannelle, pain, pouvait influencer les clients en augmentant le temps qu'ils passaient dans une boutique, en renforçant leur intention d'y revenir et d'y faire un achat. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé de vous dire si je dois être enfermé dans une pièce et qu'on me mette une seule chanson en boucle, c'est laquelle? Ouais. Vous êtes déjà demandé? Je me suis pas demandé, mais j'ai envie du coup. Vraiment, c'est. Toi, donc laquelle, toi, du coup? Je sais pas, mais. Ah oui. Bah non. Tu sais qu'à Guantanamo, ils mettaient du métal en fait. Ils mettaient genre Rage Against the Machine. Ah oui, non, mais c'est horrible. Mais si toi, t'as le droit de choisir, tu vois. Ouais, t'as le droit de choisir. J'ai déjà passé un gros moment avec une musique en boucle. Genre un bon gros 5 heures. Mais en boucle, on dépose. Comment? En faisant des pauses quand même. Ah non, non. La même? Ah, ouais. Ouais, ouais. Mais pas plaisir. C'était un c'était... moment compliqué de ma vie. D'accord. Ah. Ça devait être une chanson très joyeuse. C'était Alléluia de Jeff Buckley. J'ai bien un arrière. Je me disais, c'est cool ça. Bien, bien. Mais c'était laquelle, c'était pas indiscret? Je suis venu te dire que je m'en vais. Oh là là, le mec. Ouais. Bah, elle est magnifique. Ah, pas je crois que tu parlais de quand on. Tu sais, quand on était. Ah oui. Ça, c'est. Tu sais que c'est vraiment. Faut finir vos phrases. On peut le dire? Ouais, si tu veux. Au pire, c'est coupé. Moi, je le dis. C'est ta vie, mec. C'est ta vie aussi, chef. Moi, j'assume, mec. Allez, envoie le pâté, mec. Ça, ce vieux doublage de film. Yo, mec, c'est ta vie. Ok, mec, c'est on était vie, à Amsterdam, mec. On a pris des champignons. Oh. Mais genre un peu très fort. Pas de Paris, hein. Et... pas de Girolles, tu vois. Et on était dans un parc et Anis a eu la bonne idée de dire, venez, on met une musique un peu en boucle et tout. Et c'était Everyday de MJ Stone. Je sais pas si ça s'est vraimentpensé. Ah, tu te rappelles. Pensé de... Ouais, je sais pas si c'est vraiment passé. Cette musique, mec, dès que je l'entends, ma colonne vertébrale, c'est... On écoute... On écoutait un son et après quand t'es dans les champis, ta priorité c'est plus de faire une playlist. C'est plus rien, ouais, mais donc moi, je mec, pense qu'à un moment on a, le bad de ma vie. On a oublié. Mais sauf que c'est devenu la musique qui c'était est liée l'horreur. À ça. Ouais. Ça a duré 10 heures dans ma tête. Ouais. Et tout était en boucle. Et à chaque fois, on je m'échappais. Donc, je me levais, je partais un peu en courant. Anis me rattrapait. Je me réasseyais. La musique recommençait. Je me disais, faut que je me relève et tout. Oh. Quand tu te relevais, elle disparaissait. Et bah, je sais pas, c'était trop bizarre. Et tout le monde devenait des monstres. Et j'ai essayé de me faire vomir. Et j'ai pas réussi. À mon avis, je me suis relevé. Et une meuf m'a reconnu dans le parc à Amsterdam. Et elle m'a parlé. Et j'ai juste fait. Et je suis parti comme ça. Et après, elle m'a écrit sur Instagram. Je t'ai reconnu, tu m'as fait peur, j'ai pas compris, t'avais des yeux bizarres et tout. Ah ouais, violence. Mec, c'était un moment donc, très compliqué. C'est quoi la chanson? NG Stone Everyday. Stone Everyday. C'est pas un morceau très connu, mais ouais. Franchement, ça passe en boucle. Bah, moi, c'est... j'aime bien le morceau. Donc j'aimerais c'est... que je peux plus bien aimer. Mais... J'aimerais que tous les auditeurs du Floodcast mettent en commentaire sous la vidéo YouTube de cette chanson. Mais je crois que je l'ai, je crois que je l'ai. T'as le droit de mettre des droits ou pas? Au pire, hein, tu sais. C'est ça. Oh là là, ah là là. Mais même sans effet ça. Et ça on l'a écouté à chaque et fois. Et là la salle. Oh là là frère, je et comprenais ça. Rien. Dès que la basse elle arrive là. C'est l'hypnose. Et en tout cas je reconnais bien ta patte. C'est oui. Tout à fait Mais moi je voulais l'écouter une fois hein, pour info. Une grosse prod de D'Angelo. Et hein. Après on a repris des champignons à Paris. Et ils ont eu la bonne idée de mettre Kill Bill. Ce qui évidemment c'est la musique pas de non l'exorciste. Plus très très bien Et après alors, quand elle bon. Siffle là. Non. Non, ça, c'est très court. Tout Kill Bill. Ah, le Kill film Bill. Ah, d'accord. Le film, les scènes, le viol dans le coma. Tout. Ah oui, c'est vrai, on a regardé Kill Bill, je viens de me rappeler. Ouais, c'est excellent. C'était compliqué. Ouais. Et puis on a acheté des flingues. Enfin voilà, on a fait le truc. Donc, oui, donc moi, avec ma vieille théorie de t'enfermer dans une pièce. Oui, c'est très, belle, très belle musique d'ailleurs. On l'a fait du coup. La musique. T'as déjà écouté la version entière de 30 minutes? Non. C'est personne pas de champi ce donc c'est pas le cas. Non mais c'est Michael Field qui a fait un son qui s'appelle Tubular Bells qui est la, c'est pas Michael Field. Si c'est Michael Field. Tu confonds avec Moonlight Shadow Michael Field c'est non. And a Moonlight non. Shadow. Et il a fait Tubular Bells et c'est la musique de l'exorciste et en fait cette chanson là, il fait le même la même ligne mélodique avec tous les instruments de la terre. Voilà. Bah je ne prends de pas de champignons mais je suis déjà angoissé. Regarde, Tubular Bells. T'as raison, je retire, je retire ce que j'ai dit. C'est tout à fait ça. Vous voyez, c'est un DJ, je vous ai dit. Il mérite et après, son blé. Et la musique elle dure 30 minutes oh, et à la fin, il termine avec Tubular Bells qui est un des plus gros instruments de la terre et c'est assez fou à écouter. Et à chaque fois, il dit les instruments qui arrivent. Genre il dit now a bass from England. c'est génial. Ah mais c'est l'Eurovision plein de c'est un peu ça. Ouais. L'Eurovision des instruments. Et à la fin, il dit and now Tubular Bells et il fait des... c'est génial. Il faut l'écouter. Ça voilà, petit conseil. Imagine plein de personnes possédées dans le monde entier, tu sais. Mais c'est... à un moment ça devient cool et tout, c'est trop bien. Alors c'est vraiment que vous parliez de drague, parce que la question en parle, la prochaine question, la star du porno Nacho Vidal a été arrêtée suite à de la consommation de drogue, à votre avis, quelle était-elle? Quelle drogue? Ouais. La kétamine Quel était le crime et quelle était la drogue? Ah, il y avait un crime. Il y a eu un crime. Ta question n'était pas complète. Ah oui, j'ai oublié quelle le mot est crime. Son origine. Quoi il a été arrêté. Ouais. Il a été sous consommation de drogue et oui. Il a fait un crime, à votre avis, lequel? Quel est le crime? Quel est le crime déjà? LSD. Non. Ah non. Déjà du crime. Moi je pense que c'est une drogue un peu marrante, genre la MD, il a fait un truc amoureux, genre il a roulé une pelle à un chien, un truc dans le genre. Alors, il a tué un gars, donc non. Un braquage. Ça peut être amoureux. Enfin, je tiens à dire que beaucoup de choses peuvent être amoureuses. Un braquage à poil. Non. Est-ce que c'est lié au fait qu'il est lié à son métier? Ce n'est pas lié à son il métier. Il est tué, gage, il n'est pas tué avec sa. Non, non, il est, c'est une star du porno. Non, ouais. Ah, avec sa bite, what? Non, non, c'est non, pas avec sa bite. Invent... Là, c'est. Non, non, pas avec sa. J'ai la scène. Arrête, toi, tout de suite, tu t'es approprié l'histoire. J'ai on parlait pas ça du tout. J'ai la scène dans Seven. C'est là où les gars. Ah, l'enfer de cette scène. Cette scène. Alors, il a tué quelqu'un. Bah, du coup, alors, c'est il ça le crime. Alors, sachez qu'il n'a. C'est un. On appelle ça un homicide par imprudence. Donc, il l'a pas tué, genre un coup de couteau. Ah, il a. Il a fait tomber un coup de couteau. Sur le métro? Non. Sur les rames de métro? Non. Non, ce n'est ni un coup de fourchette, ni de me balancer dans le métro. Par imprudence? Non, c'est quoi que tu dis? Par imprudence, homicide par imprudence. Il a roulé sur quelqu'un? Non. Il était dans un véhicule? Non, il n'était pas dans un véhicule. Est-ce que c'était un proche, la victime? Alors attends, je regarde, mais je crois que oui. Est-ce qu'il a débranché un périphérique USB sans l'éjecter avant? Non. Ça, c'est la vraie imprudence. Parce qu'il provoque la mort au Mexique, hein, d'ailleurs. Non, non, c'était pas un proche exactement, mais c'était un photographe qui faisait des photos de lui. Ah, il l'a fait reculer. Ouais, ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est simple, il y avait une falaise, il a dit recule, ouais, recule. C'est un peu alors, de la faute du photographe aussi. Oui, c'est Bibi Pécoyote. Mais... Non, non, c'est pas ça. Bah, c'est dur avec les photos. S'il fallait prendre en photo sa bite, fallait qu'il recule beaucoup. Ah, oh, parce qu'il a une grosse bite, putain. Il a pas une grosse bite du gars. Par rapport à son métier. Ouais. Alors, sachez que c'est pas ça. Est-ce que c'est lié au métier du photographe du coup? Non. Non plus. Non. Donc, que des indices qui. Non, mais c'est parce qu'il m'a demandé si c'était un proche. Je lui ai dit c'était son photographe. C'est son photographe. Ah oui. Donc, absolument rien à voir avec une scène de photoshoot. On peut être proche de son photographe. C'est ça. Je connais pas assez Nacho pour pouvoir te répondre. Mais ah, c'était pas pendant un shooting. C'était. C'était après un shooting. D'accord. Pendant le développement photo dans la chambre noire? Non, non, non. Mais pas lié au shooting. Non, pas lié. Il rangeait des gélates ou un truc comme ça. Truc de oh, técos. Les amours, les técos qui nous écoutent. Il a enlevé le gaffeur du sol. Savourons ce petit vocab. Y a un véhicule qui est impliqué? Non. Alors, je vais vous aider un petit peu. Nacho Vidal adore une certaine drogue. Les bass salts. La cocaïne? Non. Non, en fait, lui, effectivement, il fait des expériences chamaniques. C'est le peyote, non? C'est pas ça? Du vaudou? C'est quoi du peyote? C'est les champis, en fait, je crois. Non, non, non. Ah, mais est-ce qu'il en a passé à son photographe et lui en a trop donné? C'est comme ça qu'il l'a tué. Le photographe a fait un arrêt cardiaque. Et en fait, au début, tout allait bien. Ils se sont dit, ouais, juste il a fait une crise cardiaque. Et après, ils ont fait des analyses, ils ont fait, ah, il a dans son corps quelque chose d'un peu surprenant. Donc, il lui a mis un chamanique. Sachez que c'est extrait d'un animal. Ah, c'est le truc du crapaud là. Exactement, c'est la bave du crapaud. Lèche le crapaud. Exactement, tu lèches des grenouilles. Avec les yeux qui futent. Ça, c'est Simpson ça. Ouais. Non, Futurama. Non, Simpson. Ah, ok. En l'occurrence, il me faisait vraiment peur. Mais la grenouille, elle hypnotise. Ah oui, c'était hypnoto dans Futurama. Mais là, en gros, c'est en 2017. En 2017, Nacho Vidal avait détaillé pendant 11 minutes son expérience avec la bufoténine, qui d'après lui permettait un décrochage instantané, magique. Il avait fait son premier voyage à Nice peu auparavant. C'est à Nice qu'il a découvert comment on léchait des grenouilles. Oh, la nudité. Attendez un truc au fin fond du Brésil. À Nice, à le petit troquet sur le côté du cours de paille. Sur le vieux port. Ouais. Et il disait qu'en fait, cette drogue miraculeuse qu'est donc lécher une grenouille, faisait pardon, qu'il n'avait plus aucun besoin de substances comme la cocaïne, l'alcool, les somnifères, le café et le coca, jusqu'au sucre et au sel. Donc il disait, il faut lécher des grenouilles. Moi, je sais plus. Ah, je sais plus. Un crapaud. Le sel, ouais, c'est... Mais est-ce qu'on peut se partager un crapaud? Est-ce que ça se fait tourner? Genre, tu me le fasses? Bah, tu m'attrapes ça? Bah, ça a quatre faces. Enfin, avec le Covid, tu peux plus maintenant. Mais quatre. Ouais. Quatre, tu peux, chacun une patte ou quoi? Tu prends la cuisse. Mais surtout, moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'ils le disent pas? Est-ce que le crapaud est mort ou vivant, quoi? Ah non, non, il est vivant. Je pense qu'il est vivant. Il a repris le boulot de photographe. J'imagine vraiment la grenouille. Après, j'imagine Crazy Frog qui fait des photos comme ça. Non, en tout cas, voilà, une expérience que je vous invite à tester, bien sûr, vu qu'apparemment on peut faire des crises cardiaques. Donc vous avez déjà essayé les champignons, c'est ouais. ça ouais. Alex, en vrai, on n'est pas très drogue. On dirait là comme ça, pas du tout. Non, non, non, bien sûr. Non, mais tout de suite, j'ai senti cette étiquette de la part. Non, mais c'est aussi pour dire que c'est intéressant Amsterdam parce que c'est super maîtrisé et tout. Et on a eu un cours en fait que t'as pas écouté. Oui et non. Alors premièrement, je tiens à dire plein de choses. Premièrement, c'était pas légal là-bas. Ça a arrêté d'être légal. On est rentré dans une boutique. Mais à l'époque, ça l'était pas. Non, ça l'était pas. Ah, ok. Tu te souviens que ton pote, il a dû négocier avec le gars pour qu'il nous en passe et d'aller chercher derrière. Il nous a donné discrètement. Donc déjà, ça commence mal. Si, je te jure. On va pas rentrer dans les détails. Mais Pana, lui, je vous ai pas raconté moi ma version du truc. Moi, c'est beaucoup plus jouissif. Lui, il voit souvent les trucs comme ça. Mais vas-y, continue. On va. Ah bah non, raconte ta version. On part sur ta version, vas-y. Okay. Et donc, il y a eu un petit cours que j'ai écouté. Mais non, à un moment, t'as pas écouté. Si, j'ai écouté. Mais à un moment, voilà, moi je suis là pour capter de la vibe. Non, j'ai écouté et tout. Mais le seul truc que personne m'a... Moi j'ai jamais pris de drogue forte, ok. Un petit peu de weed par-ci par-là, le mardi. Mais... Non, et du coup, je n'avais jamais pris ça. Et donc je prends, moi, vu, j'avais pas mangé parce que le gars avait dit il faut pas manger pendant 12 heures, mais mm-hmm. on avait pas mangé. Moi j'avais pas mangé pendant 18 heures et j'étais et j'ai pris le truc. Et genre c'est rentré mais direct dans mon système sanguin. Et j'ai eu des fous rires. Il y avait un de mes potes, il a un gros nez. Et je pleurais de rire de son nez quoi. Je me dis t'as un gros nez et tout. Et je rigole, je pleurais. Et d'un seul coup tout s'est arrêté. Et là tout devenait sombre et c'était l'horreur. Bref, et ce qui m'a fait partir en bad, c'est que personne ne m'a dit tu ne peux pas avoir d'overdose avec les champignons. Et du coup moi je me ça devenait... Si, le gars qui nous a fait le courant. Non, non. Sur le paquet il y avait écrit ça. Il y avait une photo. Il y a pas de paquet, c'est des champignons de Paris. Ça ressemble à des champignons de Paris séchés que tu manges avec du chocolat noir. C'est très bizarre. Bref, et donc voilà. Et donc j'ai commencé à me dire ah en fait les gars ils m'ont donné plus de doses parce qu'ils veulent me tuer parce que je suis parano, je suis quelqu'un de parano. Bien sûr. Et je me suis dit et du coup dès que j'ai essayé de partir. Et la drogue aide en plus. Ouais. À la parano. Bien sûr. Et du coup il me rattrapait. Genre à un moment Anis il est même venu me voir. J'étais un peu parti en courant. Il m'a dit tu veux qu'on aille manger un truc. J'ai dit grave. Il est parti vers un truc pour manger. J'ai couru dans l'autre sens en ouais, me disant vraiment, je vais leur échapper. Ouais. Ouais, ouais. Mais toi Anis t'étais t'as la drogue responsable visiblement genre tu le gères et tout. Bah ouais j'ai eu peur pour lui en fait. En fait ce qu'il raconte pas c'est que tout le monde était mort de rire sauf lui. Alors non. Non, ouais, tu te souviens voilà, de Hal. Dans sa version, Hal, c'est tu te souviens ça, de Hal. Mais demande à Hal maintenant, il va te dire qu'il a kiffé. T'es sérieux, je te jure, demande-lui. Tu te souviens de Hal où un moment, il y a même une vidéo qui existe où Gloire filmait et je dis à Gloire, alors que je regarde pas du tout Hal, demande c'est à Hal s'il va bien. Je crois qu'il va pas bien parce que j'entendais ses voix dans ma tête. Et après, Hal, le lendemain, il m'a dit mec, je t'appelais dans ma tête pour te dire que j'allais pas bien. Pour conclure, si vous êtes comme Pana, ne prenez pas de drogue. Ouais, si vous avez, ouais, moi, j'ai, si moi, vous êtes parano moi, je me suis dit, comme ça, plus jamais j'en refais. Pas. Et un mois après, ils étaient chez moi, ils ont dit, hey, j'ai des champignons. J'ai dit, grave, t'as dit grave, on met Kill Bill, grave. Et ça s'est bien passé cette fois-ci. Après, on a mis une application d'autotune et c'était un beau moment. Si vous savez ce que vous faites et que vous écoutez la personne qui vous dit quoi faire, ça va bien se passer normalement. Ouais. Donc voilà. Mais j'ai écouté. Je pense que tu es un très bon exemple. Les gars, vous embrouillez pas. C'est dommage. Je pense qu'on saura jamais. Et bah, tu sais quoi, je propose qu'on en reprenne là. Tout de suite. Est-ce que tu penses que tu réagirais bien à la drogue, Adrien ? Non, je pense pas, non. Je pense pas. Déjà, je réagis pas bien déjà sans la drogue. Vie. Donc, de manière. Juste... C'est vrai non, que je pense pas. Mais tu rigoles, moi j'ai ça avec l'alcool pour le coup. Je rigole pas déjà. Non, c'est vrai que tu rigolais pas, excuse-moi. Je suis désolé, mais tu rigolais. Non, mais moi j'avais ça avec. J'ai ça avec l'alcool, moi je n'en prends pas parce que je vois. Je sens que je vais être dark. Et en fait, peut-être pas. Mais vu que je sens que je vais être dark, je me dis je vais me mettre dans un mood où je vais être dark. Donc je vais avoir l'alcool dark. C'est l'horreur. T'as envie d'être dark un peu. Avec l'alcool, ouais, je crois que j'aurais envie. Je crois que j'aurais envie d'être Allez, j'ai envie d'avoir une clope entre mon majeur et mon auriculaire. Enfin, tu vois, j'ai. Non, mais si tu bois une bière, ça va. T'es genre. Mais j'aime bien. Pas le goût aussi en vérité. Ouais, aussi fais un effort. Je comprends. Moi, je connais quelqu'un sur cette table qui a vraiment l'alcool très mauvais. Genre, qui nous fait virer de boîte. Genre, il écoute pas le mec qui lui dit ça, c'est de la bière, mec. Tu le bois juste tout doucement, surtout pas avec une paille. Et il écoute rien. Il écoute, il a pas écouté le barman, il lui a donné la bière, il s'est barré aussi. T'as l'alcool mauvais. Non, il a pas l'alcool mauvais. Il dit juste Pana, il voit tout en mille fois pire. Quand on s'est fait virer sur les champs là. Attends, oui, mais il y avait une bonne vibe. Le premier Floodcast, t'as pas raconté des histoires, t'étais bourré un peu. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai escaladé une péniche dans le dernier Floodcast. Si vous vous rappelez, dans bourré, je jette les clés des gens dans la scène. Non, ouais, c'est horrible. Non, c'était des clés. Parce que je voulais qu'il reste avec moi, il voulait partir. Mais t'as pas clés. Dit c'était quoi comme très, clé très bourré. C'était des clés de Vélib. Ouais. Parce qu'on les a garées. Ah, tu sais, ah oui, tu c'est peux pas les maisons. Ouais, c'est tu ah peux ouais, les... Enfin, je sais pas si on peut avec les nouveaux, mais les anciens, tu pouvais les garer quelque part. Oui, il y avait un. Non, maintenant il y a plus. Et du coup, la clé, elle est importante parce que sinon tu peux pas reprendre ton Vélib et si tu la perds, tu payes. Le Vélib. Une nuit de Vélib, tu vois. Une vie de Vélib. Tu payes encore tous les ans. Ouais. Et je l'avais dans la main en disant ça, faut y faire attention. Ça l'a excité, il a tapé dedans. C'est les interdits, tu lui dis interdits, tout de suite, il tape dedans. Ah, t'as tapé dedans, tu lui as pas arraché. Moi, tu me dis, non, un peu. On était dans une péniche, j'étais au bord de la péniche, donc non, c'était pour la faire tomber dans l'eau, c'est sûr. C'était fou. Tu sais qu'ils ont raté les clés de Vélib parce qu'il y a eu une île de clés de Vélib qui s'est créée dans la scène à cause de toutes les. C'est vrai? Non. Non, ah ouais, ah merde, j'aurais été à fond là. Mais à Nice, ouais, on était à une soirée et je me souviens, on commençait à aller mal parce qu'on avait trop bu. Parce que le gars nous avait mis une table et une bouteille. Oh et comme là des là cons, là. On s'était dit, faut qu'on la termine. Et on était trois et on l'a terminé, ils nous ont ramené une deuxième. Ah merde, putain. Bref, et on se dit, ok, là faut y aller, ça va partir en couille. Parce que ça commençait à s'embrouiller avec des gens. Et on sort un peu dehors et on se dit, ah, on y va. Et à Nice, il dit, dernier verre et on se barre. Et là, il est excité, il a tape comme mec. Ça dans le mur. Sauf que c'est un mur en tôle et ça fait un énorme bruit. Et tout le monde fait ah Et là, il y a les vigiles qui arrivent, ils nous sortent. Et donc, c'était assez marrant parce que c'était la boîte de gens qu'on connaissait et tout. Et là, Anis entreprend une négociation avec le videur. Bah, encore commence, mais déjà commence, la dernière fois, qui commence par « Tu viens d'où, frère ?» Le meilleur début de négoce, c'est vraiment le... C'est, franchement, je savais pas qu'il allait raconter ça, mais ça ressemble beaucoup à la dernière fois que j'ai vu. C'est la même ou c'est encore... Ouais, c'est à peu près la même anecdote. Mais j'adore cette anecdote. Ce que j'adore, c'est qu'après, on est rentré et on a tout le monde a un peu vomi plus ou moins chez moi, c'était ça. Et après, on s'est tous mis à raconter nos vies et on a pleuré. Et après, on a créé un groupe WhatsApp qui s'appelait Larmes, où à chaque fois qu'on pleurait, on envoyait des photos de nous qui pleurent et on se remontait le moral, genre tout va bien se passer, loulou et tout. Fin, magnifique. C'est beau. Pardon, je viens de vivre un Cédric Clapiche. On a rigolé machin et à la fin on parle. Je suis dans le clapouche. Beaucoup de clapouche. Toi, moi, je me suis fait virer parce que j'ai ouvert mon parapluie pour danser sur Umbrella de Rihanna. Donc, à l'intérieur d'une boîte, c'est. Ouais. Attends, mais. C'est sous drogue ou. C'est interdit les. Mais il pleuvait. Ça porte malheur déjà. Ouais, le gars. C'est ça, le gérant de la boîte déteste que. Si on peut pas faire une choré. Bah oui, pour moi. Qui correspond. C'est un artiste, mec. C'est un vidéoclip. Mais si t'avais écouté Chandelier de Sia, et bah dis-toi, j'aurais sorti des bougies. Évidemment. Je serais pas là avec toi. One to drink, one to drink. Chandelier, ça va si c'est Wrecking Ball, mec. De Miley Cyrus. Il défonce la boîte. I believe I can fly. Je suis à fond dans le vidéoclip. Ouais, mais je suis parti en disant ça valait le coup avec mon parapluie. Et... Mais ça doit être nul là. Enfin, quand ils ont dû te dire désolé monsieur, pour pas c'était, ça. C'était hyper drôle parce que t'es là. Ouais, mais attends, je fais juste laisse-moi le refrain. Ah, t'es monté un peu dans les tours. Et t'as laissé t'es le refrain. T'es monté dans les tours. Et oui et non. Après, peut-être qu'il parlait pas anglais. Du coup, il entendait juste la la la la. Après, il a un mais parapluie, t'étais avec le des mec. Gens non, non, seul, bah comme à chaque fois, hein. Seul. Parce qu'après, t'as dit, j'ai été viré. Je me suis imaginé toi. Viré, et t'as dit, j'étais content avec mon. Je t'imaginais que ton parapluie rentrait comme. Non, comme Charlie Fred Chaplin, comme ça. Fred Astaire. Non, en vrai, j'ai été viré. Du coup, mes potes m'ont suivi en disant, putain, mec, tu fais chier. On était dans une boîte bien. On est obligé de sortir maintenant. Ah ouais, putain. On a été dans une autre. Bah ouais, mais en même temps. Mais pour moi, en plus, où t'as trouvé. Enfin, tu pouvais garder le parapluie. Moi, pour moi, il y a une loge. T'as pas le droit d'entrer avec un parapluie. Ouais, j'avais, tu sais. 60 millions de vues, les mecs. Je commence à douter du fait que c'était une bonne boîte. Il passe Umbrella et t'as le droit d'entrer avec un parapluie. Non, ça me paraît être un petit peu un PMU, en fait, très clairement. Ouais, non, mais. C'est la meilleure boîte. Ouais, mais c'est normalement, ils te laissent une vraiment mauvaise boîte, ils te laissent danser avec ton parapluie. Ouais, dis donc, c'est vrai, exactement. Parce qu'il y a personne. Voilà. Ouais, ça fait des souvenirs. Et c'est marrant, ils disent oh là là, un farfelu, tu vois. Un doudingue, encore un doudingue. Ça, c'est moi, de toute façon. Et drogue, t'as déjà testé? Drogue, je suis une merde en drogue. Ça veut dire que. Bah, là, samedi, on m'a proposé, mais j'étais comme un con. Parce que j'étais bourré. Vraiment, vous pouvez me juger, hein, y a aucun problème. T'inquiète pas. Tu sais, c'est ce qu'on met dans le nez, c'est la coke, c'est ça? C'est ça, ouais. Je crois. Ouais. Voilà, c'est tellement la phrase d'un gars qui prend énormément de coke. Ce qu'on met dans le nez, c'est la coke. Et tu sais, ils avaient des petits porte-clés avec des petites cuillères. Et qui font tout. Ah ouais, je vois. J'étais genre, mais cette cuillère est minuscule, alors je suis très très loin de la. Et j'étais genre, ah ouais, d'accord, j'étais pas en face du micro. Et vraiment, j'étais non, bah non. Il y avait un micro. Je suis tout le temps. Mais il y a un documentaire sur moi, je vais pas te dire. C'est sur Netflix, ça depuis va ce, depuis Umbrella, tout ça, ils essaient de me filmer. Une petite cuillère reliée au. Ouais, tu sais, un truc, ils ont un contenant. Et tu prends directement le mime, quoi. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Voilà. T'as, mais vous avez. Et moi, j'étais là avec des. T'étais avec Frédéric avec BD. Tu fais des soirées très stylées. T'étais avec Florent Delarue. Et du coup, j'ai dit non, rosé c'est bien. Ouais, non, ouais. Je suis vraiment une merde en drogue. Bah, c'est pas être une merde. Et ils t'ont passé une petite cuillère pour le rosé comme ça. Ça passe moins bien comme ça. J'ai dit, c'est bon. Un peu relou la petite cuillère. En fait, c'est une coutume, c'est une famille qui mange tout avec des petites cuillères. Ils ont dit, ils mangent le poulet comme ça. Dans la chambre d'une gosse en fait, avec ses Playmobil. J'ai pas vu. T'as, moi j'ai découvert la weed à 26 ans. Tu vois, je n'avais jamais fumé ça. T'as quel âge là? Là j'ai 29. Okay. Donc non, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. Tu fais plus? Ouais, bah mec, c'est fou. Hein. C'est la première personne qui me dit ça. C'est dans un rire en plus. 32. C'est non, mais c'est trop stylé de faire un peu plus. C'est un mélange de fatigue et de dépression. Je te donnerai la. Non, comme t'es réel aussi, ça, il faut être un peu buriné par la vie. C'est vrai. Marqué par les injustices du temps. C'est vrai. Sinon, t'as pas de. Faut avoir une petite écharde à l'âme. Elle est là. Si tu veux donner des ordres un peu aux gens, faut que t'aies pas l'air d'un gosse. Putain, tu peux te mettre là sur la marque. Ferme là en fait. Tu donnes pas d'ordre. Et marche, moi je me mets où je veux. Et en l'occurrence, quand j'ai testé la drogue, enfin en tout cas la weed, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Mais en le prenant, je me suis dit, faut pas que je le fasse souvent. Parce qu'effectivement, je peux être très accro très vite. Et bah, il y a une super technique qu'on m'a proposée, c'est n'apprends jamais à rouler. Et ben, tu vois, je déteste en clope par exemple. En fait, moi, je fume avec une bouteille d'Evian, de l'alu et du charbon. Ah oui, c'est un bang. Et ben, c'est vachement mieux en fait. Parce que du coup, t'as pas le tabac. Moi, le tabac, ça me fait trop mal. Mais tu peux fumer des purs aussi. Ben alors ça je connais pas. Ça, bah c'est juste la weed que tu roules. D'accord. Ou une qu'est-ce pipe. Qu'est-ce que c'est que ce podcast ouais, qui incite ça, les auditeurs à se droguer. Non, non, mais justement, enfin moi je à titre récréatif rarement, je le fais tous les une fois par an et du coup je rigole beaucoup. Enfin ça a vraiment le côté chouette de la drogue. Parce que j'en fais rarement. Chouette. Chouette. T'as dit chouette au moment où j'ai regardé un pigeon dans les yeux. Ça a été très bizarre. Ouais, il a dit non, moi je suis un pigeon. Il est mal vécu. Il a mal donne. J'ai écrit une chanson quand on m'avait fait une soufflette de weed. Sur quoi? T'as écrit une chanson sur. Bah parce que pour la légalisation. Tu te sens inspiré et t'as l'impression que tu vois. C'est un gros risque. Voilà, et après t'as relu le lendemain. Bien sûr, c'est un gros risque. Bah déjà j'étais ado donc même si tu sais vraiment la vieille chanson. Ouais, c'est un peu triste, on comprend que machin. Ah, c'était un truc. Hyper inspiré avec mon pote. Ah, c'est un truc dark? Un peu genre la vie est nulle? Non, c'était une meuf qui larguait le mec pour aller vivre au-dessus avec le proprio. Mais ça c'est un pitch de film, ouais, c'est un film avec Christian Clavier. C'est ça, j'allais dire, c'est une pièce d'Isabelle Mergo. Ouais, c'est exactement ça. Un vaudeville. Qui se joue en République. C'est bien. Oui, bah oui, après j'ai donné mes droits, tu me donnes bien. Je suis à la tête du gymnase et voici voilà. Voici toutes mes chansons, on peut en faire des pièces. Isabelle Alonso est dispo. Tu te souviens pas du titre? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais, c'est ça. Non, tu t'en souviens pas? Non. Oh, j'aurais adoré, putain. Alors, ça y est, mal tu t'en profil. Vas avec la plante et le chat. Ton putain de four qui marche pas me reste sur les bras. Bah, attends, là, c'est Benabar. Hein. C'est moi, totalement Benabar. Moi, mon cœur s'endurcit, mes plats deviennent trop cuits. Pendant que, mais pourquoi tu t'en souviens? Pendant que le proprio prélève plus que mon loyer, je c'est pas normal. Moi, je trébuche sur le paillasson marqué d'un grand welcome. Attendant qu'on me. Ramasse ou quelque chose tout comme, un truc comme ça. Waouh! Oh là là! C'est beau! C'est pour ça que je veux refumer depuis. Non, mais c'est fou! T'as pas refumé tu depuis ça? Quoi. Non. Attends, t'as écrit sous tube? Non, mais attends. Tu te rends compte que si tu fumais, tu serais Stromae là? Mais attends, est-ce qu'il y a eu une chanson? Ton instru, mes textes! Il y a eu une musique ou pas? Ça a jamais été au show. Je sais pas, vous voulez ranger? Bah oui! Non, c'était. Non, mais. Ah putain, le refrain, c'est ça, c'est si loin et pourtant si près. Oh ouais! Ça, alors ça, c'est je vais me pendre à la branche d'un cyprès. Si loin et pourtant si près. Tu n'étais pas parti. Mais chante-le. Je te regardais dans mon lit, mais les oreillers m'ont tout dit. Tant pis, un truc comme ça. Oh c'est beau, bon, bah en vrai c'est pas mal. Mais c'est vraiment pas mal. Allez. Mais c'est fou. Moi je pense honnêtement, je te dis, hein, je pense que tu l'as écrit hier. Après c'est un point de vue. Est-ce que c'est lié parce que c'est écrit sur ma main? Après effacer. C'est mon point de vue. Henriette, laisse-moi réfléchir. On était genre, mais on était comme des dingues, donc je m'en suis rappelé. Ouais, c'est trop bien. Sur un truc. Putain, génial. Il y a eu une mélodie qui a été faite. Ouais, mon pote avait la guitare et tout. Ah ouais. Moi je mime comme un con, on sait ce que c'est une guitare. Vous avez déjà écrit des chansons? Oui, bah dans mon métier quoi. Oui, mais non, mais je veux dire, quand j'étais ado ou des trucs comme ça. Moi j'avais écrit une chanson aussi. J'avais un groupe de néo-métal, donc qui est un mélange de rap et de métal. Et de Swan Metal après aussi, je crois. De Swan Metal? Néo Swan. Le... Ah oh, un grand 8. Non, et donc du coup, j'avais. La chanson s'appelait Burn World. C'était en anglais? Ce qui est pas pire qu'un titre de Slipknot de base. Qui était le chanson pour dire bah le monde il part en vrille alors autant qu'il brûle, tu vois. Et 15 ans après, Covid. Bah pardon les gars, excusez-moi. Mais c'est pas faux, ça a dû streamer fort. Le nécreux. Hein, et c'est toi qui as inventé ACAB. C'est toi qui a, c'est dans cette chanson. Donc quand même respect pour ça. Et il y avait une autre chanson qui s'appelle. C'est pas ce que veut dire ACAB. Ah bah c'est All Cops Are. Benabar. Ouais, je te jure que c'est vrai. Non, Art Bastards. Ah d'accord, c'est tous pas. Les flics sont des sont ah, des saligots. Parce que je les le voyais saligots sur des beaucoup sacs sur scélérats. Les flics sont des scélérats. Et pour l'autre moi, c'était un petit sac pour faire les courses. Le cabas en verlan. Ah, ouais, ça vient de là, je pense. Ou un taxi cerveau, du coup, anglais. Mais du coup, c'est un cabas qui fait tout tomber. Tu peux rien mettre, tu sais. C'est l'inverse vraiment d'un cabas. Non, c'est un AK. Je veux dire, c'est un cabas. Ça s'appelle comme ça. Tu t'es lassé de ta blague. Qui étrangle des gens avec ses genoux. Mais c'était pas si marrant. C'était pas. Ouais. C'était, non, mais c'est. Non, mais par après... rapport aux policiers. Et du coup, ça ferait oh la cab. Qui sont pointés par ça à juste titre. C'est ça m'a rattrapé parce que ma vanne pourrait. C'est le pire Pixar qu'on m'a pitché. Et les objets prennent vie pour étrangler des gens. Et Dieu sait quand on a pitché des Pixar. En Australie, deux hommes ont été relâchés alors qu'ils avaient pénétré par effraction avec des machettes. À votre avis, pourquoi ont-ils été relâchés? C'était chez eux. Non. C'était des fausses machettes. Non. Ils ont pénétré une boutique de machettes pour rendre leurs machettes. Parce qu'elles étaient trop coupantes. Ils ont dit c'est dangereux. Alors non, c'était pas ça. C'est dingue, on voulait juste une meilleure couper histoire. Des concombres, on s'en retrouvait avec une entaille. Appelez-moi le responsable. Non, ce n'est pas ça. Attends, ils entrent avec effraction. Ils sont entrés avec effraction, vraiment. Hein. Avec, ouais, avec des machettes, avec, et on leur a dit ok. Et au final, ah, c'était okay. Pour peut-être ils avaient vu un cambrioleur rentrer dans la maison. Non, un incendie. Non. Il y avait un incendie. Pour couper le feu, ouais. Il y avait deux incendies. Non. On va y arriver. C'est pas le nombre d'incendies. Attends, hein, ah, ok. Ouais. Parce que j'allais dire. Il y avait le film 3. Incendie qui était diffusé. Non, pas du tout. Il y avait la pièce de Wajid Mouawad qui était jouée. Vincent Dienne. Oh. Il y avait Vincent Dilerme. Allez. Oh, il y avait un mec, ouais, il y avait un mec déguisé en Sandy, incendie, ouais. Incendie Valentino. Oh, je sais pas qui c'est. On lève les bras. Pourquoi ce scénario? Je peux pas, je transpire. C'est ça qui fait chaud. Chaud de ouf. Ce qui fait chaud, mais il a monté exprès le chauffage. Je suis arrivé, mais il m'a mis du jazz. C'était. je comprends pas le principe. Vous entendrez un peu la route. Bon, mais hier, ça il avait de mis de l'encens, donc tu estime-toi heureux. De l'encendie. Ah, oh, je vais me mettre une patate en fait, à moi-même. Je vais boire de l'eau là. Ils sont entrés avec des machettes pour couper, sauver quelqu'un. Ah, peut-être. Non, pas pour sauver quelqu'un. Oh là là. Mais alors pourquoi ils ont été relaxés? C'était des. C'était des juges. Non. C'était une émission de télé au final. Non, mais tu te rapproches. C'était un prank. Ah, c'était un prank. Non, c'était une émission de radio. C'était une télé-réalité. Mais en tout cas, on n'est pas sur des gens qui voulaient faire du mal avec une machette. Ah, c'était un peu Star à domicile, mais avec des stars de Koh-Lanta. Non. Ah, super précis. Claude. Les bûcherons du cœur. C'est non, mais quoi l'émission Ouvrir une porte de 120 manières. Ah oui. Numéro 27. Tu les entends parler en fond. Ouais. Ils font ouais, c'est vrai, c'est hyper intéressant. C'était des serruriers. Vénère. Voilà. Non. T'en as plus de tournevis. Roots. T'inquiète. J'ai deux machettes. Ah, c'était un roleplay sexuel. C'est quasi ça, mais c'est ça. C'est vrai. Ah, des stripteasers. Oh. Non, c'était un roleplay sexuel, mais ils se sont trompés de porte. Ah. La tuile. Mais attends, ils ont été relaxés quand même. Bah oui, parce qu'en fait, en gros, ce qui s'est passé. Mais tu peux. Mais imagine qu'un jour tu braques une banque. Relaxé après. Tu braques une banque et tu dis mais c'était un jeu avec ma copine. Mais non, mais elle travaille à côté. Mais oui. Non, mais en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Tu te sors de tout comme ça. Non mais. Génial. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu effectivement procès et donc le voisin a dit non, c'est vrai, je les ai engagés sur internet pour qu'ils viennent. Et c'était quoi son scénario à lui? Bah lui, alors il voulait se faire découper à la machette. C'est ça. Alors c'est pour ça que ça, c'est marrant parce que ça, tout se recoupe, j'ai envie de dire. C'est parce que bah oui, oh, à la machette. Oh là là, putain, tu disais que tout était sexuel. Que tout était sexuel. À la base, il devait entrer par effraction dans la maison d'un client, l'attacher, le menacer avec la machette et le caresser avec un balai. Voilà. Donc il y a plein de choses. Il disait balai B-A-L-A-I. Non, avec un vrai balai. Et caresser à. Avec le bout, je pense, le bout des poils du balai. Ah, ok, d'accord. Tu vois. Ah, mais c'est genre, attention! Et en fait, ouais, c'est chaud-froid en fait. C'est sacré, c'est putain, vu le prix, il aurait dû se renseigner sur. Allez, comment tu connais le prix? Se renseigner sur l'adresse. C'est écrit que ça coûtait 5 000 $. Mais parce que engager deux personnes. T'as dit quoi? Non, ça me fait rire, comment tu connais le prix? Parce que je m'en doute que personne n'a parlé de prix, il a dit, vu le prix, ça coûte. Parce que. Tu sais, il connaît le nom. La balayeuse machette, c'était le nom complet du truc. Ah, oui, mais ça. Bah parce que je le. Voilà. Dis-toi que je suis pas que humoriste. Les machettes étaient pour eux des accessoires. Le scénario n'était pas écrit, mais ils avaient toute l'attitude pour effectuer leur prestation. Et c'était des fausses machettes, du coup? Non, c'était des. Non, oui, c'était des. Ils sont passés avec le chapeau à la fin et tout. C'était des vraies machettes, mais c'était un faux balai. Je crois qu'ils le font à Avignon aussi, ce spectacle. Avec les frères Taloche, ouais. D'ailleurs, c'est eux qui font ça. Ah, c'est fou. Okay. Mais moi, ça me ferait plus peur quelqu'un qui rentre chez moi et qui me caresse avec un balai que quelqu'un qui rentre avec une machette, je pense. Oui, à une machette, tu dis bon, bah, prenez les meubles. Ouais. Non, c'est logique. Alors qu'imagine, juste meubles. Un jour, tu te réveilles, il y a un gars, il te frotte avec un balai comme ça. Dans les actualités, alors on a fini avec le jeu. Le courrier des. On a un petit. Qui a gagné? La France a l'actualité. Gagné. L'actualité. La France a gagné. Alors je sais pas si vous avez suivi l'émission. On a un petit bisbis depuis quelques émissions avec le Puy du Fou. Ah oui. C'est-à-dire que on a eu le malheur de dire que le Puy du Fou était pas un parc d'attractions si chambé. Si bien que ça. Si bien que ça, parce que je sais pas si vous savez, mais le Puy du Fou a quand même été célébré comme étant le meilleur parc d'attractions du monde. Par qui? Par eux. En tout cas, c'était leur com. C'était leur com, et un parc d'attraction où il n'y a pas de grand 8, déjà, bah non. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être le meilleur. Il y a des aigles. Bah, ils misent tout qui sur les aigles. Qui t'emmènent. Mais même pas. Ça aurait été super, mais même pas. Et donc, c'est des effets intermittents déguisés en aigles qui te portent sur leur dos et qui ne sont pas payés. Donc, c'est compliqué. Et c'est marrant que du coup, vous soyez un peu les pourfendeurs de la vérité de ce n'est pas vrai. comme si c'était la seule chose. On est Mediapart, si vous en contactez, le Puy du Fou. Alors justement, on y va petit à petit. Calme-toi, alors, tu vas voir. Calme-toi. Non, le Puy du Fou, du coup, on leur avait dit bon, que c'était pas si génial. Et derrière, on avait parlé un tout petit peu de Philippe de Villiers et de ses petites préférences personnelles, politiques si et tout. Voilà, pro-manif pour tous, etc. Et alors, quelle ne fut pas notre surprise de recevoir un aigle une heure après que l'émission soit diffusée. C'est dingue. Un détail que je tiens à dire. Putain, un mail. Ils ont des mails. Ils sont partout. Ouais, ouais. Ils ont des mails. Oui, parce qu'il y a un gars qui a un mail. En ouais. tout cas. Oui, parce qu'un vrai faucon qui serait arrivé avec un message, je t'aurais préféré peut-être. J'aurais trouvé ça plus stylé. Non, on a reçu un mail de quelqu'un, alors dont je tairai le nom, parce que voilà, j'ai pas envie qu'il se fasse emmerder sur internet. Appelons-le Godefroy Le Hardy. Voilà, pour pas dire son nom. Ah, je suis sûr que c'est pas loin, fais attention. Ça pourrait être son vrai nom, c'est Godefroy Le Hardy. Non, mais sachez que c'est quelqu'un d'assez haut placé. Alors, c'est pas un De Villiers, mais qui est quand même assez haut placé dans la strate. C'est un Villiers du coup. Il y a non, plus c'est... deux normalement. Quoi, ils sont moins importants. C'est un moins un Villiers. Non, mais c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui maintenant. Il a fait un clin d'œil à Adrien. Parce qu'il l'a compris, il a eu honte de ma blague. Et je sais pas s'il l'a aimé premier degré. C'est bien si, de savoir. Si, moi, si. Je suis pas du tout snob de l'humour. Ici ouais, c'est la bonne franquette. Hein. Ouais, alors écoutez, ici, alors il nous a envoyé un message qui dit: bonjour, j'ai entendu votre podcast dans lequel vous parliez du Puy du Fou. Bonne nouvelle. D'où je ne vous tu parles. Fils de pute. Bonne nouvelle, je ne vous écris pas pour faire un procès. Smiley, clin d'œil. Ça veut dire il va faire un procès. Ouais, il y a un petit côté passif-agressif. Alors en fait, nous. Parce que t'as dit. Non mais. Oui, parce que Flaubert avait dit. On va faire gaffe parce qu'ils ont tendance à faire des procès assez facilement. Il a dit ça dans l'émission et du coup il dit ça. Référence. Et puis surtout quand t'es en procès avec le Puy du Fou, tu peux être brûlé. Mais dans leur parc à 15h, ça fait encore plus. Et après il te congèle et il t'expose pendant les spectacles et tout. Regardez. Très compliqué. Mais c'est là, t'es brûlé pendant le spectacle. Donc en fait, ça va, tu te fais un petit cachet d'intermittent en même temps. Tu finis bien. On fait une actu. En réalité, j'aimerais vous inviter à découvrir nos spectacles. Oh, c'est cool. Vous pourrez ainsi vous faire un avis par vous-même et en parler en connaissance de cause. Trop bien. Au plaisir de vous accueillir. Il y a une petite menace. Godefroy Le Hardy. Bah. Donc, ah non, oui, pardon. Il a dit, venez pendant la grosse pandémie Covid quand nous sommes 12 000 dans nos arènes. Exactement. Alors justement, donc nous, on n'était pas méga chaud pour y aller parce que c'est une façon de leur faire de la promotion et on a évidemment pas envie de faire ça. Et surtout que j'ai vu ce week-end que Enjoy Phoenix le faisait à notre place. C'est vrai. Ouais, Enjoy Phoenix avait plein de stories au Puy du Fou pour dire à quel point c'est parce qu'elle s'appelle Phoenix. Ouais, c'est peut-être lié à ça. Donc, s'il la brûle, elle renaît, donc c'est pas grave. Il y a aucun ça. Oh, ça va. Là, maintenant, c'est de la poésie. Ouais, attends, c'est devenu de la poésie. Ça devient du. Neil Brennan. Monsieur, bon, alors arrête. J'ai répondu. Bonjour monsieur Le Hardy. Je réponds à votre mail tardivement, veuillez m'en excuser. Ravi que vous ayez écouté l'émission. Toutefois, nous préférons décliner l'invitation, même si c'est gentil d'avoir pensé à nous. En cette période de coronavirus, nous préférons éviter d'être présents à des grands rassemblements. En plus, pour être tout à fait honnête, nous, on est hashtag Futuroscope First, smiley clin d'œil. Je vous souhaite un excellent été. Florent Bernard, PS. Après, si vous nous offrez un aigle chacun, on peut peut-être négocier. Oh. Donc, on a voulu, voilà, dire non, mais gentiment. Bah, oui. Et il nous a dit, pour l'aigle, ça peut se négocier. C'est quand même plus sympa qu'un robot. Smiley clin d'œil. Bah, donc, alors, on est très smiley clin d'œil. Ça se passe très bien, non, cette histoire. Mais vous allez cancan, du coup. Bah non, mais parce qu'il doit s'introduire chez lui avec deux machettes. Non, mais du coup, voilà, c'est pour vous dire que l'histoire suit son cours avec le Futuroscope, avec le Puy du Fou, pardon. Par contre, t'as envie d'avoir des places pour le Futuroscope. Alors voilà, moi j'ai envie d'être pote avec le Futuroscope. Donc si le Futuroscope, parce que maintenant j'ai l'impression qu'on a accès au plus grand de ce monde, si le Futuroscope nous invite, non mais là oui, là nous on est méga chaud. Si t'as, ouais. Ouf. Ah nous on est très Futuroscope. Là on fait un vlog, on fait une émission enregistrée là-bas. Faut voir avec Nolwenn Leroy, moi je suis ok pour tout, hein. Ah, avec Kamel Wally, tu vois avec le. Et là, il a fait danse avec les robots Kamel Wally. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça. Mais ils ont non. plein. Mais si, mais c'est une attraction qui est là-bas où t'as je du. Vais y aller, je vais y aller pas avec mes propres moyens, c'est ok. Et donc voilà, donc nous, si vous nous écoutez le Futuroscope, nous on est chaud. Truc avec le département de la Vienne. La Vienne dynamique, on en avait parlé, où c'est avec Claude Pieplu, tu visites la Vienne. C'est ça, mais. Je suis moins chaud. Moi je suis allé au Futuroscope et. C'était mon oncle qui avait des places d'entreprise, donc trucs comme ça là. Avec le CE. Ouais, voilà, je sais pas quoi. Bonjour la thune. Pas beaucoup de gens dans ma famille qui ont un travail, donc c'était dur à décrire, mais voilà le CE. Et on est allé 2 jours au Futuroscope. Wow. Donc peut-être que vous couperez ça parce que si vous voulez y aller là, ça va pas donner envie. Parce qu'en fait, 2 jours, c'était trop mec. Ah ouais, oui, oui. Parce bien que sûr. Un jour c'était cool, mais le deuxième jour il n'y a plus rien à foutre. Quoi. Ouais, ouais. C'est pas comme les autres parcs d'attractions où peut-être que. Bah, en vrai, il n'y a que Disney où tu te faut vraiment ouais, deux voilà, jours parce c'est que c'est énorme. Et là, Futuroscope, ouais. Le deuxième jour. Non, une journée Disney. Bah, c'est devenu un square, tu vois. On était posés, on a pris un sandwich, on parlait. On s'est plus servi des attractions. Mais en vrai, je kifferais profiter d'un parc d'attractions comme ça. Ouais, bah, genre, quand tu vis dedans, manger des sandwichs en 4D ou pas. Non, on les a pas débloqués. Après Disney, s'ils veulent nous sponsor aussi. Ah, de ouf! Je suis jamais allé, moi. Moi, je suis jamais allé. T'es jamais allé à Disney. Mais Disney, pareil, ils m'avaient invité. Petite nuit d'hôtel. Tu peux éviter de nous chier tous les sponsors qu'on pourrait avoir. Non, parce que, attendez, regardez, Disney, ils ont fait un truc qui est sorti sur YouTube. Ça n'a pas fait de bruit, Star Wars. Non, mais avec plein de YouTubeurs qui reprennent une chanson. Si, bah si, oui. Tu vois, dans la nuit. Tu l'as vu ça? C'est quoi? Bah, moi, ils m'ont invité dans ce truc. Dans quoi? Pour que je chante dans ça. Mais oui. Mais c'est des youtubeurs de genre qui font de la musique ou des trucs comme ça, tu vois. Mais toi aussi. Ah, mais attends, mais tu fais de la musique. Te dévalue pas, s'il te plaît. Non, mais on a marre. Bon, ok. Bon, mais bref. T'as une voix d'ange, en fait. Quand j'ai écouté le morceau, en tout cas, j'ai trouvé ça pas ouf. Ouais, parce que déjà, c'était un morceau anglais, tu sais, qu'ils ont traduit en français. Déjà, c'est pas bon, tu vois. Et il fallait que tous les youtubeurs le chantent et soient à Disney. Sauf que le tournage était de nuit. Et ils avaient dit. Au parc Astérix. Et ils avaient dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le parc la nuit. Et juste pour ça, j'ai failli dire oui. Alors franchement, je me serais retrouvé à faire Ouais, si personne l'a vu. Moi, tout d'un coup, Annie, ça fait ça, tu vois. Bah, c'était pour kiffer les attractions la night. Et bah, quand un jour. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, mais j'ai oublié le nom de la chanson, donc tant pis. Je m'en souviens plus. Est-ce aussi, que c'est pour ça que Freddy a fait pipi dans Paris Ah oui, bah, il voulait pisser dans Paris. Ouais, oui, t'as le droit de pisser dans tout Paris. Oh, allez, go. J'adore pisser. Merde, attends, je voulais dire quoi? Disney, la nuit, tout ça. Ah merde. Ah oui, quand j'étais petit. Ah, Inception. Quand j'étais plus petit, je me souviens, Michael était mort et ils avaient repassé. Jackson, des... hein. Ouais, c'est vrai. Ah non, Jordan. Je sais pas en quelle année vous êtes né. Michael Jackson, il était mort et ils avaient repassé un documentaire de lui quand il avait. Il ah, était c'est en... pas celui de. Non, non, 4 heures. Non, mais c'était déjà pédophilie. Bah oui, et mon Hulk. c'est les deux mots clés du film. Moonwalk. Les découvrir Michael Jackson dans cet endroit-là. C'est et non, et en gros, il disait qu'il était en tournée avec un enfant. Et à un moment, il a dit dans l'avion, viens, on va à Disney. Il a appelé, ouais. Ils ont fait appeler Disney. Ils ont privatisé toute une aile de Disney et tout. Et je me souviens, j'étais petit et je m'étais dit. Pourquoi c'est pas moi qui l'a choisi pour me ken? Donc c'est pour comprendre un petit peu Anis qui voulait faire sa vidéo YouTube parce que l'engagement était moindre du côté d'Anis. Pas sûr, vraiment, vraiment pas sûr. Moi c'était le côté il y a personne. Oui voilà, ça je peux entendre. Mais moi je pense que Disney sans les gens c'est pas cool. Ah ouais. Ouais. Tu vas pour les gens? Ah, moi je fais bonjour la, madame, moi bonjour. Je fais la queue bah, devant les gens. Hein. Ouais. Bah, non mais j'aime le fait de faire la queue. J'aime voir des enfants kiffer, des familles, des tout ce que je veux dire. Non mais t'es tout seul avec la petite musique et tu fais Pirates des Caraïbes solo, poto tu kiffes pas. Non ouais, non mais avec des amis. Bah après, si tu veux aller voir, après ça, tu peux aller au parc. C'est le Futuroscope en fait du coup. Eh mec, mec, tu vas tout seul, tu joues un perso mec. Tu vas à fond mec, tu parles comme si t'étais Johnny Depp. Tu te fais kiffer moi, j'ai envie de faire ça. Je m'imagine tout seul à Disney à dire c'est par là qu'il faut y aller. Ah, je comprends. C'est par là qu'il faut y aller. Ouais. Mal doublé toujours. Johnny Depp mec qui a pas fait son bac. Moi j'ai bossé, putain c'est drôle. Oh là là, les croisements, moi j'ai bossé avec Disney. Depp. Et je bossais à Pirates des Caraïbes. Oh. Quelque part, tu vois. Tu faisais le bateau. Est-ce que tu faisais des trucs où tu mettais de toi mais tu en vrai, attention. Pirates des Caraïbes, c'est assez kiffant parce que t'as le droit de mal parler aux enfants. C'est quand même assez marrant. Oh. Tu vois, tu peux dire allez, Moussaillon, allez, on se dépêche, allez, j'ai pas que ça à faire. Tu vois, c'est pas trop mal. Ça va. Ah bah non, j'allais pas faire. Eh, fils de pute, tu montes dans le bateau. C'est difficile. Bah, je pense qu'avec l'inflation des mots, les pirates parleraient comme ça aujourd'hui. Après, voilà. Mais et après, ils m'ont foutu dans le train de la mine. Et par contre, ça j'ai détesté parce que autant Pirates des Caraïbes, t'es un pirate, donc tu pourrais te dire bah train de la mine, t'es un cowboy. T'es un mineur. Pas du tout, non, c'est ridicule. T'es Pierre Bachelet, costume, donc c'est un peu. T'es du fer. Non, mais le costume est nul à yèche et en plus j'ai fait les fast pass. Du charbon. Ah oui. T'es du charbon. C'est un énorme bloc de charbon. Et après il s'est pris. Et tu t'es ne touchez pas, vous allez vous salir. Ouais, non, mais c'est nul, pardon. Et j'ai fait le fast pass qui est un métier horrible puisque tu n'as que des gens qui veulent négocier avec toi. Genre, parce que le fast pass en gros Disney, c'est tu fais pas la queue, mais tu dois y aller entre 15h30 et 16h30. Qu'importe l'horaire, après tu payes le vrai fast pass. Non, tu payes pas, c'est gratuit. Oui, mais tu prends en amont. Ah, il a des connaissances. Ah, okay, il y a du fast pass ou t'as un fast pass. Ah oui, t'as le bracelet fast pass. Faisons comme si. Faisons comme si. On était du showbiz. Voilà, faisons comme si nous n'étions pas tous du showbiz. Enfin, nous, Disney. Bah, moi j'ai pas le fast pass. Moi, j'ai pas le fast pass. Et quand j'y bossais. Moi, j'y suis jamais allé, donc ça répond à un peu. Moi, j'y vais, mais je le prends au ticket, quoi. Oui, voilà, ouais. Tu prends le ticket. Et bah, les gens, ils sont attends, horribles avec ça. Avec la pub que tu leur fais, ils t'invitent pas. Genre Disney, ils t'ont jamais invité. Non. Ah si, si. Oui. Ah voilà. Voilà, et ça commence à dire, voilà. Ça commence à dire oui, je paye ma place de parking 47 €. Bah oui, bien sûr. Ils viennent te chercher en jet. Ça c'est la base, oui. Oui, si, en Uber hélico. Si, si, ils ont diffusé mes vidéos à la soirée des bah, d'accord. Des voilà. Sur le château, enfin voilà. Voilà, il y a une attraction, maintenant il y a une attraction qui s'appelle la Ramirez. Alors c'est parti. Une attraction low cost serait stylée. Tout le reste serait stylé. Qu'est-ce que c'est la gueule, même si les gens meurent tout ça, mais. Mais donc t'es invité pour quoi? Pour oui, pour la vidéo. C'est ça, c'était ça. J'arrivais à envoyer les, quand même. Les vidéos. Ouais, c'était cool, ouais. Alors, ouais, c'est vrai. On est un peu toujours dans Disney. Anis, t'as fait un court-métrage sur le Roi Lion. Est-ce que tu peux en parler un petit peu d'où ça t'est venu cette histoire? Bah en vrai, c'est, je sais pas si c'est si sexy parce que je me suis dit. Comment... Tout peut être sexy. Tout non, mais souviens-toi ce qu'a dit Pan. Ouais. Avec non, le fait que tu dises, tu sais pas si ça peut être sexy, ça m'a. En vrai, je me demandais comment faire de la fiction légitime sur YouTube. Parce que c'est un peu bizarre en fait de faire de la fiction sur YouTube. Parce que t'as pas l'impression que c'est le truc que les gens veulent ou que même YouTube veut mettre en avant, tu vois, en toute honnêteté. Donc il y a un peu un côté genre, ah d'accord, le gars il sort un court métrage, c'est un ouf, nous on veut voir des pranks, tu vois, il y a un peu de ça, tu ouais. vois. Même quand si... est-ce qu'il mange bleu. Ouais, c'est ça, il y a un peu de ça. C'est moins mis en avant, du coup je me suis dit, essaie de trouver un moyen pour légitimer le fait que tu fasses un court métrage où tu t'amuses dedans, où tu peux jouer réel. Et je me suis dit, bah, le côté transposer des trucs, etc., ça peut créer un intérêt pour ceux qui n'ont même pas envie de voir forcément un court-métrage, juste de se dire comment il a transposé un truc de pop culture, etc. Tu vois. Et est-ce que c'est... Je vous ai dit, c'était pas sexy. Arrête, tu dévalues sans arrêt. C'est un mec d'entreprise qui dit, bon, j'ai pensé... Non, justement. Mais alors justement, j'ai des places pour le Futuroscope, qui les veut? La question que je me pose, c'est est-ce que tu sous-entends que peut-être tu vas en faire d'autres sur d'autres Disney? Bah en toute honnêteté, c'est trop bien que je puisse le dire. Je sais pas, dans Story, j'ai jamais osé le dire, là je vais le dire direct. Ah, on pourra biper hein, si tu veux. Non, il est chaud là, laisse-le, il est chaud. Après il va dire, ouais, c'était nul en fait ce que j'ai dit. Non, j'avais prévu d'en faire d'autres et j'ai demandé l'aide du CNC et je l'ai pas eu. Ah merde. Ah, cool. Est-ce qu'ils pensent que le scénario existe déjà? Non, j'ai même pas envie de dire ce qu'ils m'ont dit parce que voilà, c'est secret travail. Mais après, j'ai repassé le truc, le CNC, parce qu'on m'a dit de le repasser. Et je l'ai pas eu. Je trouve ça marrant ça. Et donc du coup tu vas pas essayer, je sais pas, lancer du placement de produit. Ça reste du pognon, les gens se rendent pas compte. Ouais mais, voilà, c'est très compliqué de financer du court métrage. J'ai de la chance de pouvoir en faire avec Golden Moustache et c'est déjà très cool. Donc je me concentre déjà sur ça et je vais utiliser ma chaîne comme tout le monde pour faire manger des trucs bleus, etc. Quoi. non mais en vrai faire de la fiction, voilà, vous savez mieux que moi, c'est super compliqué. Bah et encore, hein, nous on a eu de la chance quand on en faisait, c'était vraiment la mode. Hein. Enfin, ouais voilà, en plus il y a de ça. Ouais. Donc maintenant, si je trouve un financement, j'en ferai d'autres parce que pour info, ouais, j'avais prévu, je peux te le dire, j'avais prévu de faire Toy Story. Il est écrit, tu vois. Mais un petit Ulule ou un truc comme ça, ça te. J'ai pas le temps de mettre toute l'énergie dans ça vu que je fais déjà de la fiction. Je trouve que c'est un peu ingrat de dire j'en veux encore plus, tu vois. Donc je profite déjà de ce que je fais et je vais me servir de ma chaîne pour que ça soit la récréation, faire des trucs plus simples. C'est bizarre, moi, les trucs Ulule et tout. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas non plus, pour certaines initiatives, mais je trouve que ça donne une responsabilité. Ça culpabilise un peu les gens de bah, si vous donnez pas, je pourrais pas faire mon projet. Je trouve ça un peu. Compliqué, ouais. Tu vois, pour des trucs genre j'ai besoin d'acheter une machine pour faire respirer mon gamin, ok. Ça, mais je veux bien là, le céder. Là, y a pas de culpabilité du mais tout, genre, là, c'est clair. Je vais faire un remake de Kill Bill où c'est avec mon hamster en stop motion. Je suis en mode, oui. Attention, tu me motives très vite là. Et en même temps, il y a que ceux qui kiffent qui payent. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est vrai. Mais non, mais je dis que je trouve ça chambé, tu vois. Je comprends ce point de vue de pour financer des projets parce que je pense que nous tous ici, on a toujours eu envie de faire des projets. Et des fois on trouve pas le financement et tous on a forcément un moment pensé à ce truc et je trouve que c'est un débat qu'il y a peu eu mais je trouve que c'est compliqué en tant qu'artiste de faire cette démarche. Moi ça me stresse de ouf en tant qu'artiste. Ouais, c'est ça, je me dis j'aime bien qu'en fait il y a un truc hiérarchique un peu connu de tous qui est un abonnement ça coûte tel prix, une BD ça coûte tel prix et donc du coup rentrer dans des moules pour faire des projets où ça coûte de l'argent je suis ok surtout mais quand enfin là par exemple tu vois il y a un gars il s'appelle Bob Lennon. John Lennon, pardon, excusez-moi. Ouais. Non, Bob Lennon qui fait du stream, il a écrit un bouquin et il a demandé du pognon pour écrire son bouquin. Il a reçu 1,5 million d'euros, qui est un chiffre assez. Ouais, c'est-à-dire qu'il va en faire deux. Ah, attends, c'est ça qui est génial, c'est que dans le. Qu'il le fait pas, mais dans le descriptif. Dans le bouquin s'appelle Comment gagner 1 million. Non, non, mais dans le descriptif, il dit. Parce qu'il demandait combien 30 000, non 30 000 euros quand même. Il demandait 30 000 euros. Après, attention, il a quand je dis bouquin, c'est quand même pour mettre un peu plus d'eau dans le vin. Pages. Non, non, mais c'est un truc à la Harry Potter. Enfin, c'est un gros truc. Ça vaut pas 1 500 000. Et dans la description, moi j'ai apprécié l'honnêteté. Il dit et si j'ai plus. Eh ben, ça payera peut-être les études de mes enfants, ou alors peut-être que ça me motivera pour en faire un deuxième. Mais genre, il y a aucune promesse. Quoi. C'est genre, c'est si génial. On a plus, je les garde. Voilà, c'est terminé. Oui, oui, ce sera pas. Je vous dois ça. Et ouais. Les gens lisent ça, ils font. Allez, je lui donne. Mais ça, c'est trop bien. Mais bien sûr. Mais moi, je préfère l'initiative Tipeee. Tu vois, genre, je fais le contenu. Oui. Et vous me soutenez après. Mais je trouve que donnez-moi pour que je fasse. Mais je trouve ça chiant que ça existe. Et je trouve ça trop bien que ça existe. Mais pour moi, c'est ouais, t'es comme moi. Ouais, ça. Mais je trouve ça. Ça me met mal à l'aise. Du coup, tu dois fournir régulièrement des trucs. Parce qu'il te paye, il te donne 2 euros par mois, 1 euro par mois. Je crois que c'est soit au mois, soit à la vidéo, je crois. Mais ça, je crois que tu choisis. Parce que j'allais dire, sinon après t'es engagé. Mais je vois pas de quoi tu parles. Moi je parle des vrais Tipeee. Hein. Ça change pour les Indiens, pour la pluie et tout. Je suis plus si ouf et tout. Ouais, okay. Mais... Eh bien écoute, Anis, pourquoi je te parlais aussi de ça. Donc, outre pour en apprendre un peu plus. Tu vas lui offrir 40 000 euros. Je vais, écoute, c'est fou, je lance un Tipeee pour toi. Non, je vous propose un petit jeu, un autre. Mais c'est, alors c'est le royaume de l'amusement. Ah bah, c'est malin, hey, pauvre. Et je vous ai pas fait payer l'entrée. Alors attention. Est-ce c'est que ça vraiment... serait pas ici le meilleur parc d'attractions? Si, c'est peut-être ça. C'est vraiment peut-être un petit filou tube. Je vais vous interpréter. Donc je peux jouer là. Tu peux jouer et en même temps tu peux pas jouer. Tu vas voir. Yes. Ça va aller très vite. Ça évolue. Ça évolue. On fait deux équipes, d'accord. Je propose Alex, Adrien versus Anis, Pana, d'accord. Je vais vous interpréter et aussi un moment avec juste, l'aide de certaines personnes. T'es le seul qui a un prénom qui commence pas par A, t'as tout gâché. On peut t'appeler Anap. Enfin, d'accord. T'as vu le temps que j'ai mis à. Mais Florence, en plus... mais ça prouve à quel point je te fais confiance, puisque je me suis F-A. J'ai vraiment cru longtemps. Donc, je vais vous interpréter des dessins animés célèbres dans le style de réalisateurs connus. Ça va être pas très bordélique. Comment tu vas les dessins animés et le réel? Comment tu interprètes des dessins animés dans le style? Non, regardez bien ce qui se passe. Avec du talent. Ça a été travaillé. Donc, incroyable. Je vais vous interpréter comme des petits sketchs, comme le sketch de Pana sur le Roi Lion. Tu l'as vu, Pana, bien sûr. De Anis, pardon, excuse-moi. Comme le sketch d'Anis sur le Roi Lion, tu l'as vu, Pana. Bien sûr. Voilà. Tu vas transposer, ok. Et donc, je vais transposer dans un univers de réalisateur un dessin animé. Ah, j'ai compris, d'accord. C'est parti. Sympathie for the devil. Non. Oui. C'est pas quand j'étais arrivé à la boîte, on m'avait fait rencontrer deux gars. Un petit nerveux et un grand malaise. Le petit s'appelait Bob, il s'énervait facilement. Le patron m'avait dit, fais-y gaffe à Bob. Il paye pas de mine, mais il peut être agressif. Moi j'avoue, c'était surtout le grand qui me faisait flipper. Ceux qui le connaissaient bien disaient, non non t'inquiète, ça peut être un chat. Perso, c'est pas le genre de minot à qui je mettrais un coup de pied au cul. Je chiais dans mon froc dès qu'il ouvrait la bouche. Il s'appelait Sully, et un jour c'est parti en couille. Sully a rencontré une petite nanette, une gamine. Je suis même pas sûr qu'elle était majeure, mais il en était grave amoureux. Il l'a ramené, et ça, Bob, il a déraillé. Il lui a demandé de la déblayer du plancher, et vu que Sully l'a pas fait, bah, il a piqué sa crise. Alors, on a le dessin animé. Alors, le dessin animé, c'est quoi? Monstre et compagnie. Ok. Et bah, je l'avais pas du tout. T'avais quoi, toi? Je veux rien de. mais alors le réel, bah c'est voix off, donc du coup moi ça me fait penser à Casino. Mais Casino c'est de qui? Scorsese. Ouais. Edley, je t'en supplie. C'est pas ça, Scorsese. Ah c'est Scorsese, c'est ça. Ouais, ah oui. D'accord. C'est ça. Moi je répondais à Casino, c'est de qui? Bah c'était, fallait trouver le réalisateur. C'était un piège, c'est comme ça que je gagne. Ouais, ouais, on s'en fout. Monstre et compagnie à la Scorsese. Bien joué. Trop bien. Félicitations. Voilà. J'avais rien, aucun c'était des deux. C'était bien. Ah ouais. Ah ouais, moi tu me faisais des genre. Ça, ouais, ouais. Ça, toi, je disais, ouais, les arrêts de chat. Tu l'avais suivi. Oui, il a suivi l'histoire de A à Z, premier degré, il a kiffé. Moi, je vous le dis, j'avais les aristochats, donc clairement. Ah, mais pourquoi? Mais je ah, parce qu'il a dit chat, c'est comme un chat boule de poil, je crois. Mais il a pas dit aristo. Non. Papa, mon ami est arrivé, il est en train de garer la voiture. Enfin, c'est. Enfin, y a pas de problème, mais c'est. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ton vieux réac. Mais je fais pas mon vieux réac. Mais les verneuils sont. Sur une famille de chasseurs, on aime tuer des animaux, boire des 9h. Putain, j'arrive pas à dire. Ah, j'ai le film. Boire des 9h30, tirer sans faire exprès sur des mecs qui font du VTT et partir en vacances au Puy du Fou. Mais toi, t'es là, tu me ramènes. Il arrive. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, super, ça a bien roulé, mais j'aurais dû prendre la nationale. Ça bouchait à l'entrée de Marne-la-Coquette. Ah, mais je croyais que vous étiez rusés, vous autres. Papa! Bah, non, du coup, excusez-moi, c'est un adage populaire, on dit bien rusé comme un renard, non? Bon bah voilà. Et bien, s'il te plaît, mon fils, arrête de te lécher les couilles, on va passer à table. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah ouais, c'est ça, j'allais dire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le réalisateur, t'as pas son nom? Et. Antoniente. Non, c'est De Chauvron, Philippe De Chauvron. Mais j'accepte, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et moi j'aurais dit, j'hésite entre deux trucs. Vas-y. J'hésite en, Cars. Ok. J'aurais dit. N'aide pas. Moi j'aurais dit. Alex. Et mais après j'aurais dit Incredible Mr. Fox. Mais c'est même pas un film d'animation. Mais non, mais il y a un film. Si, il y a Fantastic Mr. Fox. Mais Fantastic Mr. Fox. Si ça veut rien. C'est ça ? Non. C'est pas ça. Mais je... Rox et Rooksy ? Oui. Ah, ah oui. C'est que j'ai jamais vu, mais c'est juste. Rox et Rooksy. Rox et Rooksy. Anis, tu l'avais pas ? Rox et Rooksy. Si, si. Non, en vrai. Comme j'ai vu Renard, j'allais dire Rox et Rooksy, mais j'avais que ça en fait. C'est Rox et Rooksy. C'est Rox et Rooksy. J'ai de la chance. Joli. Mais attention. C'est pour nous, ça ? Okay. C'est pour Alex et Adrien. Cette famille était une des plus surprenantes que l'on pouvait trouver dans le bassin sud-africain. Leur renommée était internationale et chaque membre essayait de trouver sa place dans un marasme où se mélangeaient égos, découvertes zoologiques et attaques de singes énervés. La Benjamine se prénommait Debbie. Elle était fan de hard rock et possédait une vaste collection de vinyles, les Who, les Rolling Stones, David Bowie. Il ne fallait pas chercher très longtemps pour se rendre compte que son Angleterre natale lui manquait. Un soir d'hésitation, elle s'est demandé si son premier baiser pouvait être avec un chimpanzé, mais elle se ravisa. Le cadet se prénommait Denis. Il n'était pas nécessaire d'avoir 10 sur 10 aux deux yeux pour se rendre compte qu'il avait été adopté, et sa présence dans la famille était source de on-dit. En effet, Denis ne savait pas parler, se baladait en slip et jetait ses excréments contre les vitres teintées du camping-car Challenger de son père Nigel. Enfin, le troisième enfant de la famille, entouré de part et d'autre par son dans son arbre généalogique, se prénommait Elisa. En sauvant un facochère de la mort, elle put acquérir le pouvoir de parler aux animaux. Girafe, éléphant, dromadaire. Le soir où Debbie avait hésité à embrasser ce chimpanzé, Elisa entendit le chimpanzé dire « Je suis très chaud ». Alors, c'est la famille de la jungle. Exactement. Le réal, par contre. Wes Anderson. Bien joué, Wes Anderson. Et tu aides l'équipe. Il l'a dit en même temps. Et tu vois les plans. La famille de la jungle. Anis m'a mal regardé deux. Deux fois, il fait ça. Mais non. Mais tu sais que mon père, il fait pareil, c'est quand il sait, même quand c'est pas dans son équipe. Oui, oui. Mais c'est parce que je suis une belle merde, moi aussi. Mais ça vient de mon père aussi. Moi aussi, c'est-à-dire que mon père est une merde. Non, non, je connais pas ton père. Vous avez dit, je suis une belle merde, moi aussi. C'est okay. Vrai, c'est vrai, t'as dit ça. Alors attention. Ouais. Mon père, il a voulu me faire. Bon, allez, non, trop, ça il a voulu quoi ? Il a voulu quoi ? Il voulait me faire deviner James Bond. Et il avait un mot, il a dit bonne. Et je dis bonne ? Tu sais, c'était codename, c'était tu dois dire 15 oui, secondes. Oui, oui, oui. Et après, il me dit des codenames avec ton père. Ouais. C'est fou. Mais pas que. Il dit ouais, James Bond. Je fais pardon ? Et c'était James Bond pour lui. Mon père, il dit les 421 pour parler des 4400. C'est quoi les 4400 ? La série. Ouais. Et voilà, il est erroné, c'est pas ça, hein. Il est erroné. Il est erroné dans tout ce qu'il dit. Et j'aime, voilà, j'aime, vous garderez. Mais est-ce que du coup maintenant tu le comprends malgré tout? Genre non. Il dit des trucs à côté et tu fais oui, bien sûr, je vais te passer le beurre. Oui, moi, pas pour tout. T'es... Ouais, non, passe pas le lampadaire, ouais, ça va être le sel ça. Dans ce genre, moi j'ai le père d'un pote qui avait dit: c'est quoi déjà le film avec les avions qui roulent et qui se bagarrent? Et il avait dit le cinquième élément. Ouais, c'est ça. Oh, voilà, oui. Oh, ouais. Les avions qui roulent et qui se bagarrent, c'est au lieu fou. Des voitures qui volent. Ça, et... des Transformers. Moi, ma mère, un jour, il y avait le chien et elle voulait l'appeler. Et elle dit comment ça se. Comment ça se. Non, mais moi, je dis son prénom. Hein? Non, mais moi je dis Cassie, elle s'appelle Cassie. Ah. Non, non, bah non, elle est pas. Elle est tombée comme ça, elle est morte, je comprenais pas. Non, non, elle voulait, je sais pas, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle se souvenait plus et elle me demandait quoi. Et elle m'a dit, mais comment déjà ça. Et moi je dis, Cassie. Elle a dit, non, le. Je dis, bah. Chien. Le chien, il s'appelle Cassie, elle a fait chien. Et j'étais en mode, ah ouais, voilà, tiens. Chaud patate. Faut se reposer. C'est un AVC, ça. Bah ouais, elle est morte. Non. Ah, raconte la chute en fait. Bah ouais. Poum. On enchaîne. Alors Alex, j'ai besoin de toi. Bien sûr. C'est ta star là qui rentre, toi. Excuse-moi, hein, j'ai pas regardé l'heure. Hein. Ça a été ton travail ? Mon travail, ça a déjà été mon travail, je l'aime pas mon travail. Quand tu causes toi, que je me suis saigné pour trouver un job et que tu me remercies genre de ta blague de phrase. On le saura, hein, que tu m'as trouvé un job. Bah oui, on le saura, t'es pas foutu qu'elle va trouver un job, quoi, un foutu loser. Mais c'est une pizzeria. T'as cru que c'était mon dream de conduire un chauffe pour une fucking pizzeria? De toute façon, c'est interdit de rêver dans cette baraque. Tu me donnes un nom de sculpteur et au final, j'ai les mains dans la merde. Ah, tes grandes phrases là, avec ton père, mon petit chum, vu que ton pauvre père peut pas t'aider. Moi, je vais faire du karaté, moi. Tu veux pas, mon pauvre vieux, regardant autour de toi, on est dans un égout. On est pas chez Jean-Claude Van Damme. C'est un fier cas du Nord. Mais j'en ai marre de toi, de ta négativité, de ton peignoir rose, de tes poils que tu auras jamais. J'aurais pas pu être adopté par le rat de Ratatouille. Pardon? Je pense québécois Denis Villeneuve. Bien sûr. Dolan. Et alors, est-ce que vous avez la. Putain, j'ai trop moi, de pistes. Moi, je dirais Tortue Ninja. Je vous fais la chanson de fin, vous me dites si ça vous dit quelque chose. C'est ça? Mais j'aurais dit la Panthère rose. Non, c'est Disney, hein, je crois, non? Ah non, c'est que des. Non, c'est pas seulement. C'est les Tortues Ninja, bien joué. Bien joué. Attends, je l'ai qui, pardon? T'es en rouge normalement. Ah, donc t'es c'est au dos. Ça ouais. Toi, t'es au dos. Ça commence ici. Non, ça commence là. Mais j'arrive toi, t'arrives après, un peu plus tard. Okay. Allez, go. Non, une entrée. On est au théâtre ce soir. Monsieur, c'est à vous. Alors, docteur, quoi de neuf? Votre cancer ne guérit pas, monsieur Bunny. Écoutez, je mange une trentaine de carottes par jour. Mais ça n'a rien à voir. Même si c'est vrai que c'est bon pour la peau, la carotte ne peut pas remplacer une chimiothérapie. Quoi qu'en pensent les antivax. Et on pourrait pas mettre un aimant géant sur ressort qui permettrait de retirer mon cancer? Ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur Bunny. Un trou, peut-être qu'on collerait par terre et le cancer tomberait. Non, vraiment, c'est... Ou alors je pourrais peut-être avaler de la TNT qui explose et du coup je suis guéri. Monsieur Bunny, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous aider. Je l'ai fait venir directement de Brooklyn. Bonjour monsieur, je suis embêté mais je ne peux rien faire pour vous. J'ai arrêté ma carrière de docteur pour m'adonner à ma véritable passion. Je suis le docteur Michael Jordan. Ouais, c'est ça. Il est le seul capable de vaincre ce monstre qui est en vous. Un monstre qui gagne du terrain. Docteur, j'ai besoin de vous. Je vais faire de mon mieux. Je vous avoue qu'en plus j'ai un peu la gerbe. Je viens de manger une pizza préparée par une tortue. What, y'a les tortues? Crossover. Waouh, cette blague est un running gag et une référence à The Last Dance. Elle est en plus très méta. Le gars qui a écrit ça est vraiment un crack. Messieurs, vous avez raison, mais le temps presse. On n'a que 4 fois 10 minutes, sinon il sera trop tard. Vous pensez pouvoir y arriver? Je crois même que je peux voler. Je crois même que je peux toucher le ciel. Robert Kelly. Everybody get up, it's time to slam now. Got a real... Alors, bon, c'est Space Jam. Bien sûr. On écoute d'ailleurs la version instrumentale de Space Jam. Ça peut peut-être m'aider pour le film. Mais alors le réel, putain. C'est Ah attends, un cancer. Ouais, c'est américain mais... Alors, c'est pas vraiment américain. C'est pas américain. Parce que sinon la médecine, je pense que c'est Thomas Little qui fait que des trucs. Ah oui, non, c'est pas lui, je pensais. Après, en vrai, c'est pas facile. Il est malade, il est pas canadien. Ah, c'est Alabama Monroe. C'est ça. C'est ça, et le réel c'est Felix Van Groeningen. Je sais pas si je le dis bien. Bah ouais. Chaud. Chaud de ouf. Chaud de ouf, mais c'est Alabama Monroe là. Je précise que j'ai lancé les applaudissements moi-même. Il s'agit du flow de cast. On passe aux questions des internautes que j'ai annoncé aux internautes que vous étiez invités. Et effectivement, ils ont des questions. Question pour les gens qui font de la scène. Alors, c'est une question très métaphysique, mais je suis sûr que vous y arriverez. Comment faire rire les gens dans une situation horrible comme une pandémie mondiale? Est-ce que le processus d'écriture est plus difficile, vu que c'est la merde, ou plus facile, plus d'actu, donc plus de matière? Qu'est-ce que tu dis? Tu commences? Tu veux qu'on réponde en même temps? 1, 2, 3. Bah moi, en fait, le truc, c'est que... Moi, je m'en bats les couilles. Ouais, vous faites pas vraiment dans de l'actu. Je fais pas de l'actu. Ouais. Je vais tellement pas en parler. Exactement. Ouais, Anis me posait la question tout à l'heure. Je voulais pas revenir dans les comedy clubs tout de suite, parce que je pense que les gens viennent dans les comedy clubs aussi pour tâter un petit peu le fond de la sociétas. Ouais. Et du coup, je me serais senti plus obligé d'en parler. Parce que tu vois vraiment quand il se passe un truc grave. Par exemple, je me souviens quand il y avait du stand-up après des trucs un peu d'état grave. Tu sens que dans les yeux des gens, ils ont besoin que tu dises quelque chose, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai attendu un peu pour ne pas avoir à en parler. D'accord. Donc je dirais que ça ne va rien changer, si ce n'est qu'il y aura la moitié des gens qui ne sont pas là. C'est ça. Moi, je pense que ça serait plus sur des dates programmées il y a l'année dernière qui vont être programmées un an plus tard, ou ouais, quelques vannes sur toi, tu vois. Oui, t'as pris ta place en 2017. Exactement. Ouais, c'est ça. Toi, t'as grandi. Et entre temps, il y a un mec qui a mangé une soupe. C'est ça, quoi. Ou une autre, mais oui. Ouais, ouais. C'est ça. Non, mais... Deux autres, même. Comment t'appelles soupe? Je vais la garder. Ouais, voilà. Non, sinon, actu, t'en fais deux, trois refs, mais non. D'accord. Anis, j'ai vraiment aimé Porn Crush. Tu as d'autres projets d'écriture de court-métrage? Est-ce que tu es tenté par la réalisation? Alors, tu as déjà réalisé, puisque Le Roi Lion, tu l'as réalisé. Ouais, mais c'est vrai que c'est anecdotique, mon parcours dans la réalisation. Mais ça te tente? Ça me tente, mais je me sens chaque chose en son temps. Moi, je suis un gars procédurier, tranquillou. en l'occurrence, il y a un truc qui n'a rien à voir avec Porn Crush, mais qui sera du même format, qui va sortir sur Golden Moustache, je sais pas, je dirais peut-être octobre, novembre. Quand je dis le même format, ça, on vise la même durée, la même envie de raconter une histoire. Ça sera complètement un autre sujet. Et je pense que je vais le coréal. On D'accord. y va petit à petit. T'y vas mollo. On y va mollo. Donc voilà. Panayotis, quelles sont les embûches que tu as rencontrées lorsque tu as décidé de monter sur scène? L'embûche qui est compliquée, c'est moi, je suis un peu une petite merde qui fait des des blagues qui se dit oh ma blague elle est trop marrante, et dès qu'elle sort de ma bouche je me dis oh elle est pas marrante. Ouais. Et ça sur scène il faut vraiment apprendre à le gérer. C'est par rapport le auteur et interprète en fait. Ouais. C'est ça, tu te trouves... La transition elle est complexe entre faire rire ses amis et se faire rire soi, parce que souvent les gens disent que pour monter sur scène il faut être marrant, mais en vrai ça veut rien dire parce que tout le monde est marrant. Et surtout, si tu montes sur scène avec une blague, c'est que tu penses qu'elle est marrante, donc c'est-à-dire qu'elle est marrante. Ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre aux gens pourquoi elle est marrante. Et pour moi, c'est ça la transition la plus dure dans le travail. C'est ce qui fait que je pense qu'il y a, dans le stand-up, statistiquement, il y a beaucoup de gens qui abandonnent à la première année. C'est le moment où tu entreprends cette démarche-là de transition, c'est-à-dire de ce qui va me faire rire pour moi, je vais légèrement le modifier pour que ça devienne plus universel. Et ça, c'est un truc compliqué que je ne fais absolument pas dans la vie. Je suis toujours cette belle merde qui fait des blagues nulles pour se faire kiffer lui. Mais sur scène, t'es obligé de penser un petit peu plus à comment ça va être réceptionné. Voilà. Anis, ça ne te manque pas de ne plus écrire en groupe avec tes compères de multiprise ou quoi qu'il arrive, écrire en groupe? Bah en vrai, ce qui est marrant, je vais donner un petit making of, c'est qu'on n'écrit jamais en groupe en fait. Dans multiprise, mais c'est ça qui est la force, c'est que bon après il y en a qui vont me dire bah c'est ça écrire en groupe, mais tout le monde vient avec une enfin chacun de nous trois venait avec une grosse idée qui est quasiment finie en fait. C'est pour ça que moi je m'occupe de Team Foufou, les gens qui me connaissent ça me ressemble, Aurélien, enfin chacun a son vrai univers, c'est ce qui faisait que ça faisait un truc stylé. On voulait quand même exister individuellement, mais ce qui est mortel c'est que ouais en effet on brainstorm ensemble, donc on se nourrit de trucs ensemble, et ça c'est le meilleur truc, même si tu bosses sur un truc solo quoi qu'il arrive, tu vois. Et en l'occurrence chaque année les gens l'ont vu, on part en vacances à chaque fois, et avant c'était pour préparer les sessions de tournage multiprise, mais maintenant même si on bosse plus ensemble on va se pitcher nos trucs perso et on va essayer de bosser le plus ensemble possible. Donc pour les gens c'est nul parce qu'ils le voient pas mais en tout cas nous on continue de perpétrer ce truc là et ça c'est super bénéfique, donc je trouve ça cool. Putain, c'est la version réussie de Suricate. C'est-à-dire que nous, on faisait ça aussi, c'est-à-dire que chacun avait son truc et le pitchait aux autres, et chacun ramenait des vannes et des trucs. Et justement, moi j'ai jarté parce qu'en fait, eux, pour le coup, avaient réussi à créer en groupe tous les trois. Et c'est vrai que ça, quand tu l'as, c'est très précieux de vraiment. Genre, les trois sont autour d'une table et tout le monde amène des idées, tout le monde amène. Arrive à écrire en groupe. Et moi, c'est vrai que j'étais pas du tout là-dedans. Enfin, j'arrivais pas à inventer avec trois autres, quoi. J'arrivais à inventer et amener mon truc et on discute de ce que j'ai trouvé, mais eux ils arrivent vraiment à inventer tous les trois, et c'est pour ça que moi j'ai pas tenu, enfin j'ai tenu qu'une année et après ils ont continué en trio. Mais et je crois que c'est plus simple quand on est différent en fait, tu vois. Tu viens avec un truc, enfin quand je viens avec un truc différent d'eux, bah ils se sentent pas légitimes, enfin ils me laissent la place pour que j'explique ce que c'est, et après ils viennent m'apporter des trucs que je vois pas, tu vois, et ça marche bien de ouf. Donc, je pense l'erreur c'est de vouloir être un fou un groupe et tout, je sais pas si c'était le cas pour Suricate. ça a vraiment floppé Suricate. Je pense que justement il y avait eux, ça a marché cette alchimie, mais c'est pour ça que moi ils m'ont jarté, c'est que ça marchait pas avec moi dans le truc, je pense. C'est que eux tous les trois par contre ça fonctionnait vachement bien. Putain, j'ai une question, mais au pire on la coupera. Mais comment c'était tes amis? Bah écoute, en fait c'est ça qui est rigolo, c'est que en fait on rigolo, je pense. Non mais parce que j'allais dire comment on est devenus potes au taf. Comment t'en arrives à dire à quelqu'un genre c'est cool, mais bah ça je te laisserai leur demander quand même, mais tu cherches à quitter ta meuf? Comment on fait pour dire à quelqu'un qu'on aime bien, on veut plus le voir? Pas du tout. Je note. Parce que tu as l'air à l'aise avec ils m'ont jarté et tout, t'en parles publiquement, donc c'est pour ça que je pose la question. Non, elle est pas discrète. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses. C'est que déjà, il y avait un peu une mésentente sur ce qu'on voulait faire entre moi et Raph, qui est au sein de Suricate. Et Raph, Julien et Vincent, eux, pour le coup, se sont vraiment rapprochés de ouf en saison 1. D'accord. C'est vraiment, ils se sont trouvés, ils sortaient en soirée ensemble, ils se faisaient des restos, des trucs machin. Enfin, vraiment, ils se sont trouvés entre potes, quoi. Alors que je pense qu'avec moi, on était moins amis, on était plus des collègues. Donc ça s'est fait de manière quasi naturelle, en fait, le fait. Extrêmement naturel, c'est pour ça que j'en parle sans problème. Il n'y a pas eu une conspiration. Quand tu dis mon jarté, j'ai imaginé le moment où il y a eu la discussion. C'était rentré en réu, ils étaient assis en. Alors, il y a eu ça, hein. Il y a quand même eu ça. Mais je l'ai entendu parce que ça m'a beaucoup saoulé à l'époque, attention, hein. Mais pourquoi je l'ai avalé assez facilement, c'est que ça allait dans une démarche complètement légitime, en fait, et entendable, tu vois. Ok. Donc, et au final, enfin, je le répète sans cesse dans ce podcast, mais c'est ultra bénéfique parce qu'au final, je suis resté pote avec eux. Alors que je pense, si j'avais forcé le côté non, mais on est un quatuor, on reste comme on marchait, c'est pas grave, si vous voulez, vous êtes pote, mais moi je continue à faire. Enfin bref, je pense qu'on se détesterait, quoi. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, je peux en parler librement et je suis vraiment pote avec les trois, quoi. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Mais c'est comme quoi, il y a deux écoles. Ouais, il y a deux écoles. Question pour Panaitis et Anis, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque de Vine? Et ne trouvez-vous pas que TikTok est une nouvelle version de ça et pourquoi vous n'y allez pas? Bah c'est marrant cette question parce que là franchement t'as envie de dire oui, mais je me rappelle que les 2-3 dernières années de Vine, il n'y avait personne dessus aussi, tu vois. Donc j'aimerais bien qu'on se rappelle de ça, tu vois. À chaque fois on dit ouais, j'avoue. Mais ce qui était fou au-delà de Vine, ouais, c'était l'époque où n'importe qui pouvait créer. Et ça c'était incroyable, mais je pense que ça existe toujours, tu vois. Après les médiums ils sont peut-être plus compliqués à maîtriser, il y a plus d'argent qui est mis en œuvre, enfin du coup c'est moins aussi free qu'à l'époque du début de Vine, tu vois. Mais je crois pas que c'est lié forcément à l'application Vine, parce que malheureusement au bout de 3-4 ans pareil, il y a eu je sais pas des marques, des trucs, ça s'est professionnalisé et on avait déjà perdu ce truc là, tu vois. Mais il y avait pas le côté algorithme, alors qu'aujourd'hui Insta, si tu fais une vidéo et qu'on voit pas bien ta tête, l'algorithme il te saute et tout. À l'époque il y avait pas tout ça. Ouais, mais t'as encore ça par exemple sur Twitter qui est quasiment le même format que Vine en fait, en tout cas pas de vidéo, mais comment les vidéos sont partagées, c'est que pour moi Vine c'est entre TikTok et Twitter. Ouais, voilà. C'est TweetTok. Oh, pas mal comme TikTok. TikTok, moi je trouve ça mortel, l'élan, il y a des trucs super cool et tout. Mais pareil, il y a un algorithme extrêmement prononcé. C'est-à-dire, moi, je sais pas si vous avez fait un tour dessus, mais tu regardes un truc, même l'algorithme il est flippant. Tu regardes un brin blanc, après on te propose des brins blancs. T'sais, c'est même pas par rapport à l'univers, tu vois. Et leur algorithme, il me fait un peu. Enfin, peut-être je l'ai pas encore maîtrisé, j'ai pas assez fait de tour dessus. Mais quand justement tu viens de Vine, où un mec qui a, je sais pas, il a 6 abonnés, il fait, je sais pas, 11 millions de vues parce que les gens ont décidé que c'était bien, c'est incroyable de voir ça. Et avec, entre guillemets, ça, pour le coup, ça, on peut dire que ça nous manque, tu vois. Mais l'époque Vine en soi, ouais, j'ai l'impression que des fois, il faut se rendre compte aussi que pendant 2-3 ans, les gens n'avaient rien à foutre. Et quand ça s'est fermé, les gens disent ah ouais, c'est vrai, il y avait ce truc-là, tu vois. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de tous nous rencontrer, ça, c'était cool. Ouais, on s'est rencontrés, nous. J'avais 14 ans, je crois. Ouais, bah, c'est ça. Et, ça. Et après. Ça, on peut être que reconnaissant. Je kiffais ce que Freddy faisait sur Vine. Et Anis m'avait dit faut que je te le présente. On s'était vu, après, on a décidé de bosser ensemble. C'était trop bien, c'était vraiment une époque où on s'était tous rencontrés, donc ça c'était. C'est drôle. Rien que pour ça, c'est quand même cool et on est nostalgique. C'est drôle, il y a toujours. En fait, c'est vraiment la plateforme qui amène le format quand même. C'est fou ce truc là, quoi, tu vois. Il y a eu YouTube, machin, là il y a TikTok, c'est, à chaque fois c'est la plateforme qui impose le format. Et après, le format change pas trop au sein de la plateforme, c'est juste une nouvelle plateforme secrète, quoi. Ça, c'est assez fascinant. Je suis d'accord, mais tu vois, sur YouTube, ça existe depuis tellement longtemps que ça contredit ce que tu dis, parce que l'avènement des... Je me casse en fait. non, mais l'avènement du fait qu'il y ait, à un moment, il y a eu beaucoup de youtubeuses et ça, tu vois, ça arrivait après la fiction, après, enfin, il y a eu plein d'air sur YouTube et ça prouve qu'en fait, il y a surtout des grosses prises de parole qui se décomplexent, etc. Et un endroit où tu peux l'apprendre, tu vois. J'étais plus sur la mise en scène et le ton, genre par exemple, moi ce qui m'avait que je trouvais cool, c'est que sur Insta, il y a eu le vrai retour des persos, genre les gens qui se filment et qui jouent persos, vrai, là pendant le confinement, on en a vu plein. Ça sur YouTube, c'était terminé parce que genre c'était pas assez. Sur YouTube, fallait qu'il y ait du chant contre chant, de la lumière, du machin, pour de la fiction, hein, je parle. Alors que juste filmer... Ça allait très vite cette transition fiction. À un moment, Ludoc, il s'est dit, je vais acheter des gros objectifs. Et ça a été, il y a une énorme transition de fiction, même les premiers sketchs. Très surprenante. Et d'un seul coup, on est passé à 20 millions de budget pour des sketchs. C'est allé très très vite. D'après nos calculs. mais j'ai vraiment l'impression, mais je me souviens de moi, tout petit, qui regarde des sketchs dans mes toilettes, de sketchs, de trucs, de youtubeurs qui se connaissent entre eux. Et d'un seul coup, j'ai l'impression d'un gros chèque qui vient de Fanta. C'était Orangine à l'époque. Après, ça a été Fanta, mais C'était Suze à l'époque. Mais. Non, mais il y a eu un vrai. Et je pense même les bouteilles étaient en bois et tout. C'est ce qui a tué un peu le délire aussi, je pense. C'est que de mon petit recul. Pas tant les marques, mais. Enfin, d'un coup, effectivement, ça s'est très professionnalisé. Il y avait Bagel, Golden. Et qu'il y avait plus Artisan. Ça s'est fait des gros avait l'air de 3D. Mais tout le monde avait l'air de se connaître. T'as pas After Effects sur ta vidéo? Attends, excuse-moi. Quoi? Il y avait beaucoup d'explosions, beaucoup de meurtres, beaucoup de. Mais d'un autre côté, c'est charmé. Beaucoup de hurlements à la place d'une chute aussi. Ça a apporté. J'ai été le profondeur de ça. Ça a apporté des trucs archi cool. Et des fois, je me dis, je sens qu'il y a des textes. Surtout à un moment, et vraiment ce truc-là de cette vidéo est écrit par lui, réalisé par lui, les co-auteurs, trucs, et joue dedans et machin. Et je sentais des fois des frustrations. De trucs, tu vois, et j'adore voir un gars qui gère tout de A à Z, son petit truc dans son coin. Ah, c'est le côté français, ça, monsieur. Ouais, on prend le truc et on va jusqu'au bout. Moi, quand je suis arrivé à Golden, j'ai enlevé les noms des trucs. Du coup, plus personne veut écrire maintenant. C'est vrai? Ça donne moins envie. Ouais, bah quand je suis arrivé, je trouvais ça bizarre en fait. Quand t'es arrivé à la DA. Oui, pardon, j'ai oublié de dire. C'est la DA. Et c'est drôle parce que c'est moi qui ai fait en sorte qu'il y ait les noms à l'époque. Ah merde. Non, non, vas-y, c'est ça que tu détruis son travail. T'as enlevé les noms des génériques, tu veux dire? Non, j'ai enlevé les noms du titre. titre en fait, parce que j'ai l'impression que les gens. Il y avait le nom entre parenthèses de la personne qui faisait la vidéo. Donc peut-être qu'à ton époque c'était légitime. Parce non, mais t'inquiète, je te dirai après. Mais les gens avaient besoin. Non, mais ça me paraît logique maintenant que tu me le dis. Mais moi, c'est devenu des gens. Enfin, on écrivait des trucs en groupe et les gens se battaient pour qui aura le nom de qui, tu vois. Ouais, et je me suis dit, bah ça sert à rien en fait, parce que même si on met ton nom. Enfin, il y a eu plein de gens qui ont bossé sur le truc, tu te rappelles ou pas? Ouais. Et du coup, clair, je trouvais ça absurde et je me suis dit, autant. Le nom, les gens comprennent pas en plus ce que ça veut dire. Ouais, voilà. C'est tu y a écrit Norman entre parenthèses, tu t'attends à voir Norman et tu vois Julien Josselin, tu te dis, mais je comprends pas, il a écrit, il réalise. Je pense que c'est flou pour là, les gens. Au final, la plupart des trucs où il n'y a pas de nom, c'est moi qui les ai écrits, donc c'est moi qui me fais baiser, donc ça va. C'est pas des gens. Nous, on avait fait en sorte qu'il y ait les noms parce que il y avait un truc de. En fait, quand on est arrivé à Golden Moustache, on n'a rien choisi. C'était, le nom, c'était Golden Moustache, le logo, c'était une moustache dorée. Et machin. Et nous, vous auriez choisi autre chose. Et nous, on avait vraiment la. Bah, déjà, on aurait peut-être mis une moustache dorée vu qu'elle était pas dorée, elle était noire sur mon doré, Et du coup, quand on est arrivé et qu'on faisait du coup Suricate avec Raph, Julien et Vincent, donc on s'appelait pas Suricate, mais on voulait pas être Golden Moustache parce qu'en plus, Golden Moustache avait déjà balancé des vidéos des Hernadettes, de Yacine Dedo. Ah oui, et donc, il y avait un truc genre. Alors, c'est pas clair du tout pour les gens. Dites-vous qu'à l'époque, il y avait pas de crew de youtubeurs. Une chaîne, c'était la personne. Donc d'un coup, on était genre, nous, on veut dire que ça appartient à Suricate, et comme ça c'était comme un label, donc ça reste Golden Moustache mais c'est un label. Et c'est vrai que moi en quittant Suricate, j'étais emmerdé parce que j'étais genre, mais du coup qui va savoir ce que je fais dans mon maigre public qui connaît mon travail? Et à côté de ça, il y avait plein de gens, parce que après c'était Golden Moustache égale Suricate dans la tête des gens. Donc quand il y avait Adrien, Hakim Omiri, Greg Romano, Lucien Men, Valentin Vincent voulaient faire des vidéos, bah, eux ils étaient pas sur Suricate, et du coup les gens disaient, bah, ils sont où sur Suricate dans le sketch? Alors que si tu mets entre parenthèses de qui était la vidéo, bon, c'était, ils demandaient quand même où était parfois Suricate, mais au moins tu dis, bah, c'est écrit que c'est pas deux, c'était écrit dans le texte. Donc c'est pour ça qu'on l'avait fait. Et aussi peut-être qu'à l'époque il y avait moins le côté, enfin peut-être qu'un auteur amenait plus un texte que à ta période, ça j'en sais rien, mais j'ai l'impression que les sketchs étaient peut-être plus incarnés par la personne aussi qu'à ton époque. Bien sûr, aussi. Donc c'est pour ça que nous on avait mis les noms. Mais moi je trouve ça trop bien que maintenant il y a un côté Brensto, et tu vois, il y a plus ce côté-là. Bon, on a passé très longtemps sur cette question, je suis désolé. Brensto. Brensto. Ouais. Côté Brensto. Alex, on te voit de plus en plus dans des courts-métrages. Est-ce que tu as des envies de longs-métrages? Est-ce que tu as envie de continuer les courts-métrages? Et si oui, plutôt acteur et ou scénariste? Ouais, ça arrête jamais cette question. Très long. Alors oui, non. Voilà. C'est le burger de la mort. Bah de toute façon, oui, c'est ce que les locaux, c'était j'en ai fait pendant 3 ans, tu vois, c'était ne serait-ce que pour rencontrer Maréal et les locaux, hein, pas l'holocauste. Ouais, voilà, non, je le dis parce que les gens peuvent pas. Locaux, ça je l'ai fait plus, ouais. Plus rapido, ça c'est. Pas le même but. Ça a moins duré, pas plus cher. Donc voilà, ouais. Du coup, là, il y a les vidéos professions où c'est mini court-métrage. On essaye maintenant de faire des invités. Donc il y a des champs contre champs. Ça commence à s'étoffer un peu. Ouais. Et il y a un projet de série. Trop bien. Ça, c'est cool, ouais. Et après, ouais, moi j'aimerais bien. Mais tu vois, ça me faisait penser à ce que tu disais, Alice. C'est vraiment, tu sais, d'abord co-réaliser un truc de 5 minutes. Après, tu vois, de 10, après de 26. Et pour l'instant, j'ai plus des idées de série que de long. Mm-hmm. Mais un long, ouais. Ouais, et jouer dedans, au bout d'un moment, je pense que ça va me saouler parce que j'ai envie de voir le combo. Ouais. Et mon ego va un peu s'affaisser. Et je dirais, c'est pas grave si je suis pas à l'écran. Faut te donner un petit rôle, je pense. Faut que tu te donnes un petit rôle. Non, mais en vrai, c'est non, cool, mais ça. Si tu veux réaliser. Ouais, ouais. Non, mais il y a le côté je réale et j'ai un petit rôle de temps en temps qui intervient. Je pense que c'est le bon compromis, quoi. En fait, il y a un truc. Je pense que si un réal me dit fais ça, je vais kiffer essayer d'interpréter ce qu'il a écrit alors que ça m'appartient pas du tout. Me concernant, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais fait le tour de ce que je vais me proposer moi, où je vais m'écrire toujours le même. Enfin, pas le même style de rôle, mais. Je vais savoir où je vais puisque c'est moi qui l'aurais écrit, enfin tu vois. Et il y a le plaisir aussi de diriger. Moi c'est exactement ce qui m'est arrivé. En fait moi je jouais par dépit parce qu'on n'avait pas d'acteur, et en fait je me suis rendu compte, putain, mais je déteste ça en fait. Je me suis dit, j'ai pris un grand plaisir justement à regarder le combo. Il y avait un truc de, mais je préfère largement être ici et dire quoi faire plutôt que jouer avec les gens, tu vois. Je parle dans le cadre de réaliser et écrire. Et réaliser et jouer. Et du coup, moi, j'ai fait le choix de vraiment plus du tout jouer, juste pour prendre plaisir. Et ça rejoint ce que tu disais aussi, Pana, de dire, je crois que j'essaie d'écrire des blagues. Par contre, quand je les joue, je les trouve horribles, moi, perso. J'ai pas passé le cap de savoir les réécrire jusqu'à ce que moi, je sache les jouer. Je fais non, je vais plutôt le faire à quelqu'un qui sait à peu près jouer n'importe quel texte parce qu'il est bon comédien. Mmh. Et comme du coup, il saura vendre. Vincent Tirel. Il sait, voilà, entre autres. Et comme ça, il saura vendre les vannes, quoi. Et donc ça, c'est exactement moi le schéma de pensée que j'ai. Mmh. Ah oui, bah alors c'est tout con, c'est facile. Mais Anis, est-ce que tu as prévu d'autres? Les Français font-ils rapper dans d'autres villes? Je pense qu'il y a tous les rappeurs. Ah vous, t'as eu que ça comme question. Et t'as inventé les autres. Regarde les captures. C'est des captures d'écran de Curious Cat. Captures. Ça, tous les jours, on me pose cette question, mais c'est trop bien. Dans c'est Request in Peace d'ailleurs t'as répondu. Non mais ce qui est marrant c'est que moi j'ai vraiment fait ça comme un one shot, tu après, vois. Après tous les jours te la raconte pas quand même. Non mais c'est vraiment le truc, ça me surprend que ça soit aussi populaire, tu vois, parce que je le redis, c'est vraiment pas mon concept, c'est un truc que j'ai pris aux Américains, ouais. Juste adapté en France, tu vois. Mais tu le dis en même temps, c'est très honnête dans le truc. Mais je préfère le dire à chaque fois, ça n'oublie pas, tu vois. Mais en l'occurrence les derniers que j'ai fait, j'avais fait Marseille, Lille et Lyon. J'avais tout financé moi-même et j'ai fait ça en 3 jours. Mmh. Donc je me suis dit, ça va être intéressant, mais je m'en suis même pas servi dans la narration de l'histoire, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'était kiffant à faire, mais un peu cher. Et du coup, j'attendais de pouvoir trouver un financement pour pouvoir faire ça. En l'occurrence, c'est le puits du fou, hein, c'est le moment de... Non, mais tu vois, pour le coup, j'en ai trouvé un. Il serait chaud. Non, j'en ai trouvé un et... Ah, Beats by Dre. Stylé. Smecta. Bon, j'ai trouvé. Ok. Vous voulez. La vision, c'est qui Non, mais dis pas. Haribo. Mais en marche. Là où je voulais en venir, c'est que c'est que ça va reprendre, ça va relancer la machine et du coup, je suis censé en tourner là pendant l'été là. Trop bien. Et sur ta chaîne quand même ou Ouais, sur ma chaîne. Ah toujours. Super, t'as gardé ça. Ça c'est et tu vas tourner l'été avec de la crème solaire. Crème Alice. Non, je sais pas pourquoi. C'est nul, mais je l'imaginais dire on va reprendre en été et il y aura du soleil. Et tu vois, il casse la marque comme ça. Avec la nouvelle Nivea. Mais heureusement que je serai protégé grave. Et après, il dit je veux vraiment pas vous dire à qui c'est. Oh là là, ce rappeur brille de mille feux, je vais mettre un peu de crème sur moi. Et du coup, est-ce que les Français savent-ils rapper? Tire en Ouigo ou pas? Moi, j'aime bien que les gens choisissent eux-mêmes. Vous en pensez quoi, vous? D'accord. Bah, pas tous les Français. Alex. D'où t'es venue cette idée de faire des scènes de Disney en mode low cost? Combien ça coûte en règle générale? Alors t'en fais plus je crois, tu as un peu arrêté. J'en fais plus mais on garde la DA low cost pour un truc sans forcément avoir l'image de base. D'accord, ok. Sans forcément citer quelque chose mais ça, oui parce que par exemple sur une vidéo à 60 millions, vu que t'as pas la chanson, tu touches pas grand chose. Ah bah ouais, je touche pas grand chose du tout. C'est-à-dire rien je crois. Ah ouais, voilà, c'est ça. Attends, je vais pas te dire de conneries mais sur Facebook c'est pas payé et sur YouTube, non, c'est quoi les vues en fonction de... Bah non, rien. Non, c'est zéro, la chanson t'appartient pas. C'était long pour une réponse si courte. Mais zéro. T'as pas l'air de savoir. Ouais, parce qu'en vrai, j'ai vraiment l'impression de me faire avoir. 60 millions de vues, tu le saurais si c'était rémunéré. C'est vraiment un gros chiffre. Oui, si, attends, les droits d'auteur. Peut-être les droits d'auteur. Ah oui, c'est possible. Ah, oui, mais alors, sachant que c'est tombé une année où tout ce qui était parodie c'était déjà divisé par deux. Oui. Et qu'après, c'est tombé en chanson. Ils ont mis ça dans musique. Et surtout, ils comptent que les vues France, Suisse, Belgique. Et sur les 60 millions. Toi, c'est les States tout de suite. Japon. What? Ouais, en vrai, 60 millions, gars. En fait, Japon, t'as pas tout. En fait, Japon et Amérique latine. Tu vois dans mes trucs, t'as Brésil. Mais imagine, il va au Japon, c'est taga au stade ouf. T'as Brésil, Japon, Amérique latine. Ah oui, c'est pour ça qu'en c'est France, génial. T'imagines avec 60 millions, si c'était que la France, les gens diraient ah bah forcément, tu sais, je serais arrêté. C'est le nombre d'habitants dans le pays, donc. Serais arrêté par la police. Ouais, qui dirait fais-nous la petite sirène. Et là, je serais soumis. Mais c'est bien, si t'as gagné en autorité en tout cas. Et du coup, mais en France, c'est pour ça, ouais, il y a Brésil, Japon, et du coup, c'était quoi le... C'est combien ça coûte en règle générale? Ah ouais, non, dans l'idée, on a vraiment fait avec des potes, puis qu'est-ce que tu veux payer? Des gens en disant, viens tenir une ficelle pendant que moi, je parlerai à ce personne. Enfin, non, il faut trouver les objets, les trucs comme ouais, ça. Ouais, c'est vraiment des potes, Maréal avec, en tout, ça nous faisait 1000 la vidéo, je pense. C'est ouf. Ouais, la réelle, la maquilleuse. Après, pour 0 euro de revenus, ça reste une somme. Mais... Ah, c'est clair. C'était mon prod qui avait vraiment ça a vraiment aidé à remplir les salles aussi, alors que sur scène je sais pas du tout, il y a de la maille toujours sur scène. Non mais on était inquiet pour toi, tu nous rassures. Non, ça non, sinon artisanal vraiment. D'accord. Les trucs je les faisais chez moi, hein. Vraiment j'achetais mes trucs, je les coupais chez moi. C'est ce qui fait le charme du truc aussi. C'est ça, parce que je me suis dit au bout d'un moment. Ça manque que ce soit faussement low cost. C'est une grosse équipe. Mais c'est 25 000 la vidéo. C'est James Cameron à l'arrière. C'est un fond vert, mais on a mis du sopalin, on a incrusté du PQ. Le vrai parti pris, c'était des choses que tu pouvais. Bien sûr, Michel Gondry évidemment dans les références. Non, mais ce qu'il dit, je veux dire, le côté faux low cost, c'est les films de Gondry. Tellement. Il a fait une pub là avec le Yodelit, tu vois, le Yodelit qui était très connu, qui faisait l'américain. Le petit gamin là, le petit gamin. Il a fait une pub pour KFC et tout est en carton, les nuages et tout. Elle est dingue et je pense qu'elle a dû coûter. Il y a un parc d'attractions où les burgers, les wagons sont des burgers et tout. Non, mais il a fait ça avec ses amis, lui. Il fait c'est juste qu'il a plein de potes. C'est-à-dire, si vous connaissez, si quelqu'un connaît Michel Gondry où je peux avoir le contact, il faut que je contacte. Donc dites-moi. Ah bah écoutez, envoyez son 06. Pana. T'as pas? Non, j'ai pas. Putain, oh non. Alors, Pana. Oh, non. J'ai Michel Simès. Allez, je prends, c'est le. Tous les Michel, il prend. Et une dernière question, c'est pour toi, Pana. Donc, on t'a vu de plus en plus au cinéma. En tout cas, de. C'est vrai, ça. Et est-ce que tu as envie d'écrire, voire réaliser un film? Ouais. Peut-être tu travailles dessus. Merci, c'est la fin. Grave. Tu travailles dessus ou pas? Non, oui. Mais t'as une idée, quoi. Grave. Mais par contre, j'aime pas jouer aussi. J'aime pas ça. C'est ça l'attente, c'est le. En fait, ça ne me dérange pas et je kiffe l'exercice, mais c'est pas du tout mon plus grand plaisir, loin de là. C'est. Le septième. C'est genre, c'est un courte paille. C'est quand il y a, tu kiffes, mais pour y aller, faut. Ouais, il y a d'autres restos avant. Il y a une quoi. Étape, ouais, tu vois. Ouais, ok. Donc voilà. Mais jouer ce que t'écris peut-être plus déjà. Grave. Moi, c'est le jouer, c'était l'attente. Enfin, je trouve ça fou dans le côté jouer, c'est t'attends très longtemps pour tout donner 4 fois. Bah, faut être sociable, quoi. C'est terrible. C'est comme le sexe. T'attends très longtemps, et c'est très rapide. Et c'est en 4 coups, ouais, exactement. Et il y a un ingé son. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup. Dernier petit tour d'horizon sur l'actu. Donc, Alex, toi, donc, tu as une série sur YouTube. Enfin, c'est une série, c'est pas vraiment une série, mais j'ai c'est les professions, voilà, une collection format, un peu à petit format. Petit format à la con sur YouTube. Le spectacle qui va reprendre. Presque viril. Sensiblement viril. Sensiblement, pardon. Presque viril. J'ai mélangé presque et sensiblement viril. C'est beau. Ouais. Et je présente le gala d'ouverture de Montreux. Trop bien. Oh, tellement stylé. Cette année. C'est très stylé. Donc ça, c'est cool. C'est quand? C'est 2 et 3 décembre. Si. Ben, bien si sûr. Absence de et pandémie. Avec des si, mais on a choisi. J'ai choisi un thème, ça sera balle de promo. Donc on va essayer de faire un truc. Avec des si, on coupe du bois. C'est MC Jean Gabin. J'ai cité MC Jean Gabin. Je sais que vous aimez le rap. Ouais. Donc, et la série, si ça se passe bien aussi. Si on signe. On te le souhaite. Si on signe. Voilà, à la rentrée. À Nice. Bah, comme moi je disais, je vais reprendre un ou deux français savent-ils rapper. Avec Oasis, bien sûr. Un ou deux français. C'est seulement. Une petite vidéo, là, une minute. On prend deux mecs, est-ce qu'ils savent rapper? Non. Non, bah attendez, non, voilà. Dégage. Pas plus, désolé. Arrêtez de parler, monsieur. Bon, voilà. N'oubliez pas d'écouter vos musiques avec les beats par Docteur. Et puis, un gros court-métrage sur Golden, normalement, peut-être octobre-novembre. Qui est tourné? Qui se tourne là fin août là. D'accord. Oh. Voilà. Et puis voilà. C'est trop bien. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est bon délire. Panayotis. Peut-être un court métrage sur Golden. en tant que comédien. Mais non. C'est vrai, je lui ai proposé un rôle. Et là, quand il a dit j'aime pas jouer, je me suis dit pourquoi il me le dit pas en face. On dirait qu'il veut me passer un message. Tellement pas. Mais le spectacle qui devrait reprendre ce soir, dès que on coupe les micros, je pars dans un comedy club pour refaire du stand-up pour la première fois depuis mars. Ah, c'est la première fois que je reprends là. C'est la première fois que je reprends. J'ai mon carnet de blagues là et je suis stressé, je transpire déjà. Putain, mais merci d'être venu. Tellement bien, cool. Je suis trop content. Et puis le spectacle, hein, en gros, et puis énorme, la tournée après de janvier à avril. D'accord. Oui, parce que tu l'as pas tourné encore le spectacle. J'ai tu l'as joué encore qu'à tourné. Paris. Ouais. Là, ça commence la tournée. Chambé. La tournasse. Trop bien. Et peut-être une capta à terme. Tu penses? Une capta, ouais. En gros, on va partir sur une capta en 2022. Après Brainstorm. Sur 2022, ouais. On va faire en 2022 petite capta, ouais. D'accord. Mais là, ouais, là, je fais Paris septembre-décembre. Après, tu sais, j'ai signé ma vie jusqu'à juin 2022. Ça, c'est quand tu fais des spectacles, c'est un peu l'horreur. Ouais. Tu fais signer des trucs pour le 27 mars 2022. Vous êtes obligé d'être là à 20h. T'es en mode grave. Attends, je vérifie si j'ai pas un truc de prévu. Mais et donc, ça va revenir à Paris aussi, T4. Bon, trop bien. Adrien. Derby Girl. Moi je l'ai dit hier déjà. Donc, oui, mais les gens, c'est la semaine d'après. La série Derby Girl à la rentrée. Voilà. Tu joues dedans ou tu l'as écrit? Non, je joue dedans. Trop bien. Donc il sort à la rentrée sur ça. T'as toujours pas une date précise? Non, ok. Avec un casting étincelant. J'ai appris déjà que ça sortait à la rentrée sur Twitter. Alors que je joue dedans, donc je te laisse imaginer. Pareil pour la bande-annonce. Bref. Communiquez mieux aux gens qui bossent avec vous. Voilà, ils feront une meilleure promo. Petit tip. Non, sinon, je sais plus ce que j'ai. Écoutez l'émission d'avant et je l'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit. Si, petit rôle dans Calls, je suis content. Très cool. Je sais pas quand ça sort non plus. Je ne sais pas quand les trucs sortent de toute façon. Et après, des projets dont je peux pas. Il a pas d'agenda. Trop parler, notamment parce que ça se trouve ça va pas se faire. Bah oui, c'est le concept, voilà, du projet. Donc, c'est voilà. Le concept du projet. Ça peut sinon, porter l'œil. Ouais, Twitch. Voilà. Sinon, bah nous en fait, on va plus faire d'émission là pour cet été. Non, pour cet été, plus jamais. C'est terminé. J'espère que vous avez kiffé parce que c'est terminé. Bah, en fait, on s'est dit si c'est bien, celle-là. Après, on continue. Mais... Non, là, c'est que fini. Des jeux de mots, c'est bon. C'est fini. Oh non, ça, on va continuer. C'est fini pour cet été. Alors, on va peut-être faire un best-of parce qu'on avait une idée de best-of. Enfin, Adrien avait une idée de best-of qui était superbe et qui est un peu lourde en prod. Donc, je sais pas si on va la faire vraiment. Non, on l'a fait. Mais on va essayer de la faire. Donc, il y aura peut-être un best-of au mois d'août en plus de cet épisode qui sort en août. Et sinon, on revient en septembre. Pareil, on n'a pas vraiment la date, mais on reviendra normalement à la rentrée si tout va bien. Pour sûr. Pour sûr. Et puis moi, la BD Oli et la Mienne qui arrive le 16 septembre. Bon. Et que tu as scénarisé. J'ai scénarisé. Non, que j'ai pas dessiné. C'est le seul point faible, tu l'as dessiné entièrement. C'est vraiment nul. Avec ses pieds. Non, c'est dessiné par David Combet. C'est une comédie d'aventure de 93 pages. Et donc, voilà, oui, j'espère. C'est une vraie histoire. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, merci les gars. Merci d'être venu. Ciao tout le monde. Bye. Cette fausse énergie de fin. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.